C'est 2001. Génial, j'y ai pas accès sur ce navigateur. Cool. Mais si, Buzz dit que je vois ton message. Et on est à l'antenne, hein, les enfants. Hein. C'est 2001. Génial, j'y ai pas accès sur ce Allô? navigateur. Cool. Allô? Mais si, Buzz dit que je vois ton message. Et on est à l'antenne, hein, les enfants. Actuellement en direct. Ah, ça veut dire qu'on est en direct. Allô? C'est merveilleux. Ah oui, je nous entends. Oh merde, heureusement que j'ai pas dit une connerie. Bonsoir, bonsoir les gens qui sont là légèrement à l'avance. Le podcast du collectionneur va commencer incessamment sous peu, dans moins d'une minute. Oh ah là là, ça fait tellement bizarre qu'on soit à l'avance. Je sais pas trop quoi penser. Et le tweet est parti aussi, les enfants. Voilà. Il est parti où? Donc tout est prêt, il est parti. Il était là et puis pouf pouf, il est parti. C'est vraiment fou. Et donc. Et donc on peut accueillir les gens pour ce 48e numéro du podcast du collectionneur. Bien sûr. Bonjour. Welcome. Welcome aussi aux gens qui viendraient de Twitch, qui auraient fait le transfert. Et bienvenue aux gens de YouTube, bienvenue à tout le monde, à tout ça. Ce soir, donc pour ce 48e numéro, on va vous parler de l'actualité. Parce que bon, l'actualité, on est un peu mené dedans. Et donc ce soir... vous pourrez jouer à partir de minuit à Symphony of the Time. Ah non, c'est pas ça. C'est Rockstar. C'est Rockstar. On voulait parler de Rockstar. Je me suis trompé. Et donc, sur le coup, sorti de Red Dead Redemption 2 oblige, on va vous parler de Rockstar et de la tentaculaire Rockstar. Et de tous les jeux qu'ils ont pu engendrer avant que Buzznick nous raconte un jeu. Oh mon dieu. Hein. Alors... Ah ouais, c'est moi. Alors, à mon avis. Alors moi je dis rien, mais pour ceux qui viendraient à nous suivre depuis pas longtemps, essayez de rester éveillé jusque 22h45, là, à mon avis. Bon, même 22h30, il faut une demi-heure. Pour Buzznick, ouais. Le concept, normalement, c'est de raconter un bon jeu, mais remarquez que je n'ai pas mis bon dans la phrase. Ouais. Mais attendez. C'est de raconter un jeu. Un jeu, effectivement. Bon, un jeu. Donc, on n'a jamais présidé. Un jeu ou un truc, quoi, une console, enfin... Exactement. Ouais. Je me dis qu'il devait être bon. Quelqu'un. Raconter quelqu'un. Ok, raconter quelqu'un. C'est fou. Mais avant tout, nous avons quelques petites news. Alors on va commencer, comme toujours, parce que moi j'aime bien commencer comme ça, par une news triste. Donc Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, est décédé. À l'âge de 65 ans. Ouais. Suite d'un cancer du sang. Voilà. Donc c'est à lui qu'on devait Microsoft. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la boîte de Redmond, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, tout ça. Qu'on les maudisse suite à cette merveilleuse mise à jour de Windows 10 du mois d'octobre. Coucou Pelle. Ouais. J'étais vite. Voilà. Donc, c'est une des personnes. Alors, sans s'en rendre compte, c'est triste à dire, mais c'est vrai que le temps avance. On a perdu Steve Jobs. On perd aujourd'hui Paul Allen. Ouais, fais gaffe à ta gueule, Bill Gates. du moment que la grande faucheuse nous laisse Steve Wozniak, il n'y a pas... voilà. Ben, moi, c'est bizarre. Allen, je le connaissais plus parce qu'il était patron des, la clé des Portland Trail Blazers, une équipe de NBA, parce que c'était... Ah non, désolé, je pensais que tu allais faire la blague, la clé Allen, mais... Non. Non, monsieur. J'ai eu très peur. Non. J'ai dit que je connais son cousin Van, mais bon, je me tais. Bon, allez, on va arrêter là, peut-être. Je vous déteste tous. Voilà. Mais j'ai rien fait, pas encore. Attends la fin. Bon, je te déteste en prévention, toi, c'est préventif. Et donc, et l'ambiance ici. Bon, on va te faire plaisir. Alors, moi, on va parler d'une de tes sociétés préférées qui est. Toujours dans tes favoris, la société analogue. Ouais, mais vous voulez. Ah, c'est moi, j'avais prévu une super transition de la mort, en fait. Ah, qui ben consistait à dire que le 29 octobre 1988 sortait la Mega Drive. Vous voyez? Alors, et pour faire genre l'anniversaire. Et pour faire genre après de ça, que c'était prêt, claque, ouais. Comme tu es fort, Ce qu'on fait, on coupe au montage. Oui, on coupe, on recommence. Ouais. Non, mais le plus simple étant qu'on coupe la diffusion, qu'on dit au revoir aux gens, puis on recommence. Voilà, non, donc, dans le désordre, du coup, la société analogue va sortir la Mega SG. Donc, c'est une console basée sur un FPGA qui est censé reproduire la, bah, le fonctionnement d'une Mega Drive. Donc pour ceux qui avaient déjà suivi le podcast plus tôt ou qui sauraient de base ce que c'est, il y avait eu avant l'analogue NT, donc pour la NES, la Super NT pour la Super NES, et donc bah, la suite logique, effectivement, c'est la Mega Drive, sachant que c'est la console préférée du développeur, de l'ingénieur derrière tout ça. Donc voilà, la Mega Drive sur un FPGA. Donc ça veut dire, grosso modo, hein, c'est pas de l'émulation, ça va fonctionner exactement pareil qu'une Mega Drive. Ikoban, je t'invite à poser cette question à Monsieur Sapin directement. Il y aura pas d'input lag. Enfin voilà, c'est. Est-ce que ça sera mieux que les consoles de 80 Games? Buzzdick, on va en parler après, mais on va y venir. T'inquiète pas. C'était pour faire la transition. Après. Donc les seuls petits, bon, le reproche, c'est un bien grand mot. Moi, les petites choses qui me chafouinent un peu. Il y a des choses un peu logiques, des choses qui le sont moins. Notamment la non présence de la 32X et de la compatibilité 32X, qui aurait surtout voulu dire qu'il aurait fallu pas mal rajouter de processeurs. Ouais. Et donc. Normalement là c'est les Cyclone 5, c'est dans les entre 100 et 130 euros le FPGA normalement de base, donc il aurait fallu en rajouter un deuxième. Et de la même manière, voilà. L'autre truc qui me chafouine un petit peu, c'est que sur le coup il n'y a pas de support direct des jeux Mega CD, il va falloir brancher la console à un Mega CD. Voilà. On n'a pas de Beyond. Non, je suis là. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais effectivement, il y a le port parallèle là, pour brancher à votre vrai Mega CD. Mais le problème, voilà. C'est, ouais, comme tu dis, bah, les Mega CD, c'est vieux maintenant. C'était des lecteurs CD 1X. C'était au début des lecteurs CD, on va dire. Les trouver en bon état, ça devient compliqué. Ouais, j'aurais bien aimé qu'ils nous proposent, enfin, après, je sais pas, un lecteur optique aujourd'hui, ce que ça peut représenter au niveau coût pour une machine comme ça. Ouais, mais ça aurait bien. En fait, ça aurait été bien, effectivement, ça aurait été un surcoût, mais d'avoir le choix, peut-être un modèle genre haut de gamme avec tout, je sais pas, enfin, voilà. Et après, je suis d'accord avec Ikoban, même si je préfère Polysnotes. Oh, ça parle de Snatcher ? Oui, vraiment. Et donc voilà, on verra bien. Alors, au niveau qualitatif, on s'en fait pas trop. Ils ont toujours fait du très bon travail jusqu'à maintenant. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur la qualité, même bah, de Super NT, je pense que les gens ils en sont assez satisfaits. Hein. Ouais. Et j'ai mis le lien dans le chat, donc pour ceux qui veulent jeter un œil, j'ai mis carrément le lien du fabricant, donc analogue. Il va rester une ou deux questions en suspens, mais qui, à mon avis, vont très vite trouver réponse pour moi, comme par exemple le fait de brancher la console et un Mega CD PAL, est-ce qu'on pourra forcer le 60 Hz sur les jeux Mega CD? Je pense que ça ne devrait pas poser problème non plus. Non, normalement, la réponse est oui, dans la mesure où... Enfin, la réponse est oui. Ouais. Ne t'avances pas trop, malheureux. Par rapport à par rapport à ce qui est déjà fait avec les Everdrive et tout... Ce qu'ils annoncent concernant le support Sega CD et Mega CD... Il dit juste la seule phrase, c'est juste comme l'original. Bah, avec l'original, on peut le faire en bidouillant. Donc, Voilà. Donc, ceux qui ont une console, par exemple Mega Drive, avec un Switch 5061, c'est un Mega CD PAL. Étant donné, alors je te coupe, excuse-moi, mais étant donné que c'est marqué région free. Ah. Ouais. Je pense qu'on a perdu Monsieur Chou. Non, je suis encore là. Ouais. Non? Alors, vas-y. En compatibilité, c'est marqué région free, donc je pense que ça devrait pas poser de problème. Je disais, ceux qui ont une Mega Drive switchée, donc avec un Switch et un Mega CD PAL, il faut forcément que la console soit à 50 Hz pour lancer le Mega CD, mais une fois que votre jeu est lancé, vous switchez à chaud et vous jouez en 60 Hz. Ça dérange pas plus que ça la console après, donc à mon avis, c'est juste un problème logiciel. Voilà. Donc, on en reparlera. Je sais pas, moi, t'es susceptible de l'acheter. T'as déjà commandé J'ai pas préco. Alors, j'ai pas préco parce qu'on n'a pas parlé de ça. Le prix, c'est. Ma chère Marie, 60 euros frais de port compris. Ouh. Il me semble. J'ai plus le truc en tête. Non, j'ai plus le truc en tête, je vous avoue. On est à peu près dans. Pas loin au niveau tarif Oui, de ce qu'était la Super NT. Après, la manette est à part, c'est ça, la manette est à part. Alors, la manette est à part. J'ai pas parlé de ça. Par contre, ils ont fait un truc bien pour la manette. Donc, ça va être une manette 8 d'eau. Si vous voulez l'acheter, hein, bien sûr, vous pouvez brancher vos vraies manettes de Mega Drive ou de n'importe quoi. Hein, tant que c'était, ça fonctionnait sur le Mega Drive, ça marchera. Et donc, c'est 8 d'eau qui fera la manette. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas fait une manette Bluetooth, mais une manette avec un format propriétaire radio. Donc, ça veut dire moins d'input lag aussi. Par contre, elle ne fonctionnera qu'avec la Super SG, normalement. La CSG, oui. Ça. Je suis désolé, je suis en train de lire le chat. Voilà. Désolé. Et la manette sera vendue à part, effectivement. Et au fait, on a des nouvelles de la soirée de lancement de Paprium. Ah non, c'est samedi, c'est ça. C'est samedi. T'inquiète, si elle s'était passée, on aurait eu beaucoup. On essaiera de vous mettre au courant. Il va falloir qu'on vous tienne au courant. Ça. Merci pour ce moment, Ypsil. On a prévu un live spécial dimanche. Non, c'est pas vrai. En direct de la soirée de lancement. C'est pas vrai. Hein, bon, alors, non, c'est... Sur le coup, vu qu'on est dans les sociétés qu'on aime bien, on va parler directement de la polémique de la semaine, que dis-je, de la shitstorm impressionnante, blabla, tout ça. Bref, Chou, je te laisse résumer ce qui se passe avec Cat Games. Bon, alors, je vais essayer de faire comme le révérend Lovejoy. Au commencement, il y avait une société qui s'appelait Ad Games. Non, je vais prendre une voix normale, ce sera mieux. Donc oui, Ad Games, hein, les spécialistes des... On a parlé des manettes la semaine dernière, il y a 2 semaines. On a parlé, on dit que les manettes allaient sortir. Vas-y. Ouais. Alors, c'est incroyable le nombre de gens que je connais, de près ou de loin, qui se sont fait baiser par Ad Games. C'est un truc de dingue. Hein. Donc Ad Games, ils font des machins plus ou moins bien. Donc il y a la série des Atari Flashback qui est plus ou moins pas dégueu. Sauf les plastiques, après, dès l'instant où vous branchez une vraie manette d'Atari, ça va déjà un peu mieux, mais enfin bref. Hein. Donc pour le coup, là, nos amis de chez Ad Games, ils ont cet hiver sorti plein de nouveaux produits. Par quoi on commence? Le bon, la brute ou le truand? Alors déjà, dans un premier temps, ce qui s'est passé, donc ils sortent une série de manettes qui sont censées contenir des jeux d'arcade liés à des éditeurs. Le problème qui va apparaître, c'est sur le modèle donc Namco, c'est ça, Namco Bandai, Namco, ouais. Où les gros youtubeurs influents, c'est-à-dire nos amis entre guillemets, si ça en vrai on les connaît pas, John Hancock et Metal Jesus Rock notamment, ont reçu un exemplaire de la manette en question avec des jeux d'arcade qui fonctionnaient très bien, un produit qui était somme toute intéressant et plutôt d'une qualité normal, tout allait très bien. Ouais, sauf que... C'était normal pour du AT Game, on précise. Voilà, ensuite, ouais. Les autres youtubeurs plus petits qui n'ont pas eu la chance de recevoir ces choses par directement de la société sont allés en acheter dans le commerce pour en faire la review. Et là, ils se sont rendus compte que, en fait, de jeux d'arcade, ils se sont trouvés nez à nez avec les versions NES des jeux. Et de la merde, comme tu dis, petit. Et des versions NES des jeux, bah, pas seulement, des versions NES des jeux mal émulées. Avec des soucis de tearing, des soucis de... Oh putain. Et donc, quoique le tearing, il est vraiment présent, enfin, il est présent dans tous les jeux, oui. Mais il est surtout présent dans Pac-Mania, d'après ce que j'ai pu voir. Et de voir, moi, la version NES de Pac-Mania, c'est pas bien. Et j'ai vu aussi sur Zaxxon, ils étaient pas très contents aussi. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Et donc, sur le coup, les gens ont demandé des comptes à Ad Games, qui se sont mis à bloquer toute personne qui leur posait la moindre question sur Twitter ou qui aurait fait une review un peu négative sur YouTube. Ah oui, John Hancock lui-même a publié une nouvelle vidéo pour dire « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne suis pas à la place d'At Games, mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous achetez, ce n'est pas ce à quoi j'ai joué. » D'accord. Et il peut alors, depuis, des visuels, ouais, sur la boîte. Ils ont répondu à At Games depuis. Ouais. Alors, officiellement, en fait, ils ont lancé un produit, d'après ce que j'ai compris, sans avoir les licences sur les jeux d'arcade. Mais ils l'ont dit à personne. Non, mais en même temps, voilà. Epic Games, ça fait des années qu'on sait qu'ils fonctionnent comme ça. Quand on voit que Sega leur a donné un coup de pied dans les fesses il y a quelques mois, oui, pour dire, mais moi, ce que on va reprendre nos produits en main. Ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi autant d'années à travailler avec eux, ouais, alors qu'ils ont toujours fait du mauvais travail. Et que ça a toujours été dit, les gens se sont toujours... Enfin, attention, du mauvais travail, sauf peut-être avec la Atari Flashback, comme je disais, qui était, bon, toute proportion gardée, pas trop mauvaise. Mais même là, avec le... Ils ont sorti aussi les versions Pong, en même temps que la fameuse manette Namco Bandai. Ben oui, à l'intérieur, ouais. Ça n'a rien à voir avec la version originale de Pong. En fait, ils ont pris la cartouche Atari qui s'appelle... Ah zut, j'ai oublié le nom. Enfin bref, ils ont pris une cartouche Atari et puis ben, ils ont fait comme les Chinois, en fait, ils ont divisé les jeux, quoi. Alors qu'en fait, c'est à la base, c'est une cartouche. Non, mais d'un côté, c'est bien que Sega ait choisi le bon moment pour... Oui, carrément. Virer, hein. Il était temps aussi. Donc voilà. Donc c'est surtout un avertissement. Si vous auriez pu être tenté par ce genre de produit, sachez que ben c'est pas forcément une très bonne idée malgré ouais. un prix relativement intéressant. Il me semblait que c'était 20$ et ouais. ce produit s'appelait Bandai Namco Flashback Blast. Voilà. Voilà. Donc malheureusement, passez votre chemin. Hein. Voilà. Conseil plutôt de garder vos sous pour ce coup-là. Ouais, carrément. Bon, ensuite en vrac, quelques petites compilations dont on va parler rapidement. Sega a annoncé une compilation que personnellement j'attendais, mais genre pas du tout, et qui a popé et qui me remplit d'une joie immense. Sega va sortir sur PS4 une compilation Virtual On, avec les trois épisodes Virtual On, soit Virtual On, Virtual On Oratorio Tangram et Virtual On Force. Comment il s'appelle le troisième? Force tout court, d'ailleurs. Voilà, je pensais qu'il y avait le nom. Voilà, ça. Et donc. On ne sait pas encore quelle version ça va être, mais a priori, ce sera bien les versions d'arcade, puisque les trois titres ont des versions d'arcade. Pour la version Saturn, je ne vous cache pas qu'il vaut mieux que ce soit la version arcade. Ouais. Pour la version Dreamcast, les deux sont extrêmement proches, et le troisième n'est jamais sorti sur une console de salon, donc ça c'est plutôt cool de le voir arriver. L'histoire ne dit pas s'ils vont sortir des dual sticks comme le jeu d'arcade, ça m'étonnerait. Mais bon, avec ne serait-ce qu'avec les deux sticks analogiques de la PS4, ça va être très agréable de jouer à ça. On connaît pas encore le tarif, il me semble. Mais bon, voilà, Virtual On, moi, c'est un jeu cool, c'est un jeu popcorn, c'est un jeu qui va pas vous tenir 50 ou 60 heures. Mais si en plus il y a un mode online qui peut fonctionner. Ben franchement, ça peut promettre des parties tout à fait rigolotes. Mais toi, t'aimes le jeu, si... déjà là. Ouais, moi j'aime le jeu. Moi, j'ai toujours bien aimé Virtual On. Je me suis toujours beaucoup amusé avec. Je sais pas si vous y avez déjà joué, ce que vous pensez. De... Non. J'y ai très peu joué. Je peux pas donner mon avis. C'est vraiment un jeu auquel j'ai peu joué. Il y avait un concurrent chez Sony qui s'appelait Cyber Sled. Ils se jouent à peu près de la même manière. Après, ben, tu as peut-être rejoué sur Yakuza. Ils étaient disponibles dans un Yakuza, il me semble. Non ? Je suis en train de réfléchir. Oui. Peut-être. Honnêtement, là, tout de suite, je pourrais pas dire. Lequel. C'est pas les derniers, ça, j'en suis sûr. Beyond. Ouais. Mais je sais pas si j'ai pas assez joué à Yakuza pour ça. Mais voilà, parce que bref, je me rappelle pas y avoir joué non plus sur Yakuza. Donc. Il me semble qu'il est présent dans Kiwami 2. Non ? C'est pas ça ? Je me rappelle pas. Peut-être, je n'ai pas encore joué à Kiwami 2. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, voilà, là, sur le coup, on aura des coups de version. Et donc, pour passer à l'autre compil dont on voulait parler, et là, je vais réveiller beaucoup plus de monde, là, c'est parti, là. On nous annonce une compilation Kunio-kun et Double Dragon sur PC. Ah, oui, de Double World. Ah, petit Kunio-kun. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous sortent les versions Jap et les versions européennes couplées. Ah, ça c'est bien pour le coup. Sauf pour World Cup, il me semble. Il me semble que World Cup, non, mais le reste des jeux, le Dodgeball, Ransom City River. Oh. Ah, ça, c'est par bien. Contre, attention. Enfin, non, River City Ransom. Enfin, ouais, c'est bon, ça. C'est ça. La compil est bien, elle n'est pas donnée. Elle va se trouver en version physique pour l'instant sur des sites comme Ninin ou PlayAsia à 40€ hors frais de port. Bon, c'est pas donné, c'est pas. Apparemment, pour la Double Dragon, c'est les versions arcade, c'est les versions NES. C'est les versions NES. C'est que la NES. Donc, après, ça s'adresse à ceux qui aiment Kunio-kun, quoi. C'est vrai que ça ne s'adresse pas à tout le monde, effectivement. Je ne sais pas quel est l'avenir de cette compilation en Occident. Je suis un peu dubitatif. Ça s'adresse qu'aux connaisseurs. Ouais. Pour le coup, je vois pas tellement quelqu'un qui connaît absolument pas le jeu être intrigué. Vu qu'il n'y aura pas de pub, ça... les influenceurs n'y joueront certainement pas. Tant mieux. Ça s'adresse vraiment à un marché de niche. Je suis un poil déçu aussi sur le coup que de ne pas voir notamment la version Super Nintendo de Kunio-kun, qui était quand même sympa, qui aurait peut-être eu sa place, hein. Peut-être pour une autre compilation, voilà. On verra. Donc, sur le coup, vous en faites pas une nostalgique. Vous aurez de quoi acheter bientôt, sans souci. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu précommandes le jeu, t'as un jeu de dodgeball, et aussi t'auras différents on va dire goodies avec l'édition physique, si tu l'achètes au Japon. Je pense à un truc, il y a la version Neo de Super Dodgeball, non? Non. C'est pas non, cool. Non, non, apparemment, non, non, le Dodgeball, là, c'est la version NES, certainement. Ouais. Parce que c'est okay. Celle de 80-89, donc c'est la version NES. Bon, j'ai déjà joué, c'est sympa, quand même. Ouais. Ouais. Oh non, mais après, ça reste cool. Mais oui, c'est un marché de niche. Ça va pas intéresser les gens qui n'ont pas découvert Kunio-kun quand ils étaient plus jeunes. Ouais. C'est... Mais bon, après, c'est pas mal de la sortir. Le prix, je trouve qu'il est un peu élevé, mais... Ça reste quand même une compile appréciable. Bon, et dans les sorties également, Windjammer, ça a été confirmé sur Switch, au cas où on s'en douterait pas. Alors, je tiens à faire mon mea culpa, j'avais dit que le 2 sortirait cette année. Non, en fait, c'était le 1 qui était annoncé cette année sur Switch. Voilà. D'accord. Ça va arriver. On attend de voir comment ça va rouler au niveau du online, comme d'habitude sur Switch, avant de... Surtout pour un jeu comme Windjammers qui est assez exigeant quand même au niveau du lag input. Intéressant. Ouais. Voilà. Notamment Capcom, de jeux de Beat'em All Capcom, où sur PS4, pour jouer avec un pote, il suffisait de lui envoyer une invitation. Et sur Switch, il était impossible d'inviter un ami dans sa partie, dans sa propre partie. Je pense qu'ils ont encore des problèmes avec l'online. C'est aberrant. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, si encore le service était gratuit, bon, d'accord, ils ont des problèmes. Mais là, maintenant, ils les ont fait payer. Oui, mais tu sais que l'argument, c'est on vous fait payer pas cher. Ouais, mais bon. Je sais que c'est un argument pourri, je suis d'accord. C'est un argument que je déteste. Ouais. Mais on te dit, pour le prix que tu as, ben voilà. Je trouve ça très peu correct, mais bon. Espérons qu'ils règlent la situation. Je me fais pas de soucis pour ça. Ils finiront bien par régler ça. Un jour. Moi, honnêtement, je crois pas. J'ai dit un jour. Un jour. Je parle avec le cœur. Hein. Ah oui, mais c'est parti du fond du cœur, on l'entend. Nintendo, ils sont à la ramasse et ils se remettent pas en question là-dessus. Hein, donc. Si, non, mais ils se remettent pas en question pour beaucoup de choses. Après, on connaît suffisamment Nintendo pour savoir comment ils fonctionnent. Et des fois, à quel point ils peuvent avoir du mépris pour leurs consommateurs. C'est Nintendo, mais j'espère vraiment pour eux que le online, ils vont l'améliorer. En fait, c'est même pas spécialement pour leur consommateurs, enfin, par effet de bord, mais aussi par rapport à la concurrence. Ils vont jamais aller voir ce que font les autres, alors que des fois, il y a du bon, hein, les gars, faut... Oui, mais voilà, après, c'est... Les Sony, ils vous piquent vos idées, mais vous pouvez aussi piquer leurs idées, hein, ils en ont des bonnes. Hein. Tu sais, ça s'était calmé avec Satoru Iwata, hein. Satoru Iwata n'est pas là, ils sont revenus à ce que faisait Yamauchi. Ils sont revenus à un truc beaucoup plus dur, beaucoup plus pragmatique, et ils font ce qu'ils veulent. En même temps, on ne peut pas leur donner tort, ça marche. En parlant de Yamauchi, j'aimerais mettre fin à une rumeur qui court, hein, et qui est persistante. Il n'y aura pas Banjo-Kazooie dans Smash Bros. j'ai vu passer ça tout à l'heure, les gens sont en train de s'échapper. Vous allez voir où je veux en venir, hein, mais il n'y aura pas Banjo-Kazooie dans Smash Bros. Parce que Microsoft, eux, ils disent, ouais, nous, on aimerait bien qu'ils disent ouais, et tout ça, j'y crois à 100%. Eux, ce serait dans leur intérêt à Microsoft d'avoir Banjo. Ah oui, eux, et ils forcent la main en publiant eux-mêmes de tout. Mais Nintendo, ouais. Nintendo, eux, quand bien même il y en aurait qui diraient, ouais, on pourrait le faire, mais moi, à la place des gens qui travaillent à Nintendo, j'aurais tellement peur que justement Yamauchi sorte de sa tombe et vienne nous pourrir la gueule pour avoir pactisé avec Microsoft. Moi, je le ferais pas. Je le ferais pas. Parce que c'était pas de jeu rigolo, Yamauchi. Hein. Non, il était considéré comme un mafieux. C'était quelqu'un qui était très dur en affaires. Très bon, très visionnaire, mais très dur en affaires. Et voilà, rien que de peur qu'il revienne me hanter, moi, je tenterais pas de le mettre en colère. Quoi. Non, mais là, en ce moment, il doit faire des claquettes dans sa tombe, tellement il doit être content. Ils ont repris ma politique. Ça marche. Enfin bref, voilà, ouais. Petite parenthèse. Oui. Il nous reste encore 2-3 news. Non, à part ça, oui, donc Intellivision a fait une révélation, chou. Wow. Ouais. Oui. Alors, ils ont révélé leur nouvelle console qui s'appelle Amico. Ça n'a rien à voir avec l'Amiga, je précise. C'est Tommy Tallarico qui... Oh, alors, quand j'ai entendu le nom du truc, sur le coup, je me suis dit... D'accord, allez, foutez-moi ça dehors. Quand j'ai vu les photos du concept art, j'ai ri. Puis après, en fait, je me suis dit que c'était pas si débile que ça. Alors, je vais d'abord mettre le lien dans le chat. Mais Amico, pourquoi c'est pas les trucs de Nintendo? Amico, ouais. Pardon, bien vu. Non, bien vu. En fait... Là où je trouve que il y a une bonne idée, pour ceux qui connaissent la télévision, il y a toujours, enfin toujours, pour 80% des jeux, un morceau de plastique que tu mets en fait sur la manette qui t'indique en fait où sont les contrôles. Là en fait, il n'y aura pas d'overlay en plastique, mais à la place, un écran tactile sur la manette. Donc pour le coup, ça c'est une bonne idée. Là où l'idée, ça me plaît beaucoup moins, c'est qu'apparemment les jeux... Va falloir connecter obligatoirement la console à Internet, donc pas de support physique, pas de jeu intégré apparemment, et les jeux payés entre 3 et 8 balles, hein, 3 et 8 dollars, pour des jeux en télévision. Ouais. Tout en sachant que sur un télévision, les meilleurs jeux, c'est pas les conversions des gros hits de l'époque, comme genre Donkey Kong, machin, la version de Donkey Kong, elle est ignoble, c'est un truc de dingue. J'ai Donkey Kong et Donkey Junior, c'est vraiment pas terrible. Mais apparemment, j'ai cru voir, mais c'est pas marqué dans l'article, que il y aurait un R-Type qui serait développé dessus, en exclu. Mais attention, hein, ça va pas être fait avec les graphismes à télévision. Et je me suis renseigné depuis sur la team qui a derrière, qui est là pour gérer le projet. Mais il y a des gens compétents. Alors pour le coup, bon. Ouais, mais après, faut dire le prix aussi. Ah et merde, le prix c'est entre 150 et 180 dollars. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai dit. Qui va avoir envie d'acheter une télévision? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Oh là là, c'est abusé le prix là. Ouais. Il veut pas faire une. Tommy Tallarico veut pas faire une console qui sort sur la vague des mini, sur la vague du revival. Pourtant, il t'en fait une, mais avec un prix. Qui est trop élevé. Bah oui. Vraiment trop élevé. À voir. Après, moi, je suis pas du tout convaincu par le projet. Moi non plus. Pas du tout. Hein, c'est... Moi non plus, mais pour le coup, bon, je vais quand même leur laisser le bénéfice du doute. Oui. C'est pas Coleco, c'est pas Atari. Non, et puis je pense pas que ça soit un micro. Après, je pense qu'il a une vision, et puis il sait que la marque aux États-Unis, elle reste quand même encore marque respectée. Par contre, à télévision, c'était Mattel. Là, Mattel est absolument pas derrière le projet. Mais quand vous renseignez, il y a des gens quand même assez compétents et pas mal de vétérans aussi de cette industrie. Oui, mais après, pour les gens qui ne savent pas, Tommy Tallarico, avant de faire les Video Games Live, c'était un gros développeur. C'est un gros développeur. C'est, on va dire, un des darons des années 90 en termes de développement. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc voilà. Et tant qu'on était à parler d'Atari, donc hier, en pleine insomnie, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça, il était 2h et quelques. Un article de boursier.com, donc un article, voilà, un site qui donne les infos du Nasdaq, le CAC 40 et tout ça. Atari décolle après la présentation du catalogue. Je clique machinalement dessus. Et dans l'article, alors j'ai une exclue, je sais pas pour le coup si quelqu'un en a parlé, mais voilà. Il y aurait un Ninja Golf qui serait développé en partenariat avec AlphaDog Studio. Sortie mondiale le 26 février 2019. Alors, j'ai gratté un peu sous la surface. Malheureusement, c'est une version smartphone. Mais voilà. En même temps, est-ce que le jeu mérite autre chose qu'une version smartphone? Un remake en 3D? Un remake en 3D, mon gars? Ninja Golf? Mais t'es pas bien. C'est le jeu de la vie, c'est Ninja Golf. En même temps, le concept de Ninja Golf est purement génial. Ah bah carrément. On dirait que c'est la Canon qui fait un jeu vidéo quoi. Tu t'emportes. Non mais je veux dire, le jeu s'appelle Ninja Golf. Ouais. Ce qu'il nous propose, c'est tu joues au golf et quand tu cours après ta balle, t'es un ninja qui tapasse des dragons, des ennemis, des machins. Enfin. Alors non, c'est pas exactement ça. Donc tu jettes ta balle, une fois que ta balle elle est arrivée, t'as une phase comme dans Kung Fu Master, voilà. Mais une fois que t'es dans le green, là, en fait, tu te bats comme dans les bonus stages de Shinobi contre un dragon. Et tu le balances des shurikens, il me semble. C'est la Canon, la grande firme de films des années 80 qui nous a fait les meilleurs films, Cobra, les maîtres de l'univers, qui a décidé de faire un jeu vidéo. Eh ouais. C'est beau. Donc voilà, les gars, Ninja Golf, et j'ai vu aussi une petite... le retour donc de Roller Coaster Tycoon, qui reviendrait sur Switch en novembre, apparemment. Bon courage pour le faire tourner. Distribué par Big Ben Interactive apparemment, donc voilà. Oui. Et par contre aux États-Unis c'est Ad Games qui distribue le produit. Voilà. Non mais ça c'est ça qui est sensationnel, hein. Les types font n'importe quoi, mais ils continuent à avoir voilà. Du succès aux États-Unis. qu'est-ce que j'allais dire d'autre apparemment. Il y a aussi une nouvelle console de poche, genre une flashback mais de poche, qui est sur le point de sortir ou qui est sortie. Je me souviens plus le nom du produit, enfin bref. Donc voilà, il y a pas mal de choses chez Atari, mais le retour de Ninja Golf quand même. Ça se respecte. Pas du tout, mais bon, voilà, je tenais le placer. C'est pas une de mes pires expériences vidéoludiques. Il y a toujours pire, tu sais. Et je veux dire, l'Atari 7800, il fallait en trouver des jeux rigolos dessus, parce qu'on n'a pas toujours rigolé dessus. Bon, t'as Astéroïde, c'est très bien. Oui. Je dis ça, mais je l'adore, l'Atari 7008, j'ai plein de jeux. Mon trou dans la paume te dit que oui. Ouais. Et il fait un moment, je voulais même faire le full set, donc voilà. Et enfin, dernière petite news de cette semaine. Afin de fêter la sortie ce soir à minuit de Castlevania Requiem sur PS4, à savoir la compilation de Symphony of the Night et Rondo of Blood, un vinyle va être édité avec bande-son. Alors, on va pas vous redire encore une fois ce qu'on pense des bandes-son de Rondo of Blood et Symphony of the Night. On risquerait d'être différent. Moi, je peux vous dire que j'aime Michiru Yamane. Elles sont pas terribles, elles sont nulles. C'est nul. C'est pas ça que vous vouliez que je dise. Ce sont les deux premières incursions de Castlevania sur le support CD. Et dire que c'est réussi, enfin, c'est un euphémisme. C'est juste. Je connais que celle Symphony of the Night, puisque c'est le seul des deux que j'ai fait, et ouais, ça tabasse. Hein. Ça tabasse vénère. Est-ce qu'ils vont garder les voix d'origine? Du moins, est-ce que sur les pistes. Alors, il y a quoi dessus? Sur la version de Rondo of Blood, il n'y a pas de souci, on retrouvera l'intro en allemand comme c'était d'origine, apparemment. Par contre, il semblerait que ce soit les voix et le doublage de la version PSP qui soient utilisés pour Symphony of the Night. Je suis déçu encore. Les gens écoutaient. Et donc ça veut dire qu'il va manquer. Pour remettre dans le contexte, les voix. C'est citer les voix de The Man, Miserable, Little Pile of Secrets, But Enough Talk, How About You. Voilà. Bref, le franc. Ah non, c'est pas ça. L'angloponais de l'époque. Par des dialogues en anglais. Et de toute façon, qu'est-ce que le jeu va donner? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être bien upscalé? Est-ce que ça va juste être la version PSP jetée à ta gueule ou pas? Réponse, les amis, à minuit ce soir, parce qu'à minuit, je pense que je vais m'amuser pour le plaisir à lancer un stream. Juste espérer qu'il fasse une version physique, quoi. C'est pas à l'ordre du jour. C'est ça, moi, parce que moi, j'ai déjà toutes les autres versions, j'ai pas envie de racheter celle-là. Mais elle viendra quand tous ceux qui l'ont acheté en démat. Tu les as en boîte aussi, le Shino Rondo Non, mais j'ai la version PSP. Ah oui, oui. La version PS1. Ah oui, oui. Version PSP. J'ai une version démat Vita, S3. C'est beau. Je suis comme Beyond, moi, ce jeu, je l'aime, c'est mon jeu préféré. Ah, oui. Évidemment, un peu comme la compil PSP qu'ils avaient sorti, il va sans dire que même si c'est deux jeux pour 20 balles, ça reste de toute façon une meilleure affaire que de les acheter sur le support d'origine. Oui. Ouais, c'est clair. Bah oui. C'est plus très très drôle à l'heure actuelle, puisqu'un Symphony of the Night complet aujourd'hui en version PAL arrive à taper dans les 200 euros. Et les versions japonaises ne sont pas en reste parce que c'est de l'ordre d'une centaine d'euros maintenant, voire plus. Mais même sur Saturn, hein, les coûts chers aussi. Et sur Saturn, il vaut une bonne centaine d'euros aussi. Ouais. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, effectivement, vous pouvez vous laisser tenter par la compte. Après, voilà, encore une fois. Ou alors, je vais y jouer. J'aurai l'occasion d'en reparler s'il y a quelque chose qui va pas. Vous en faites pas, je le dirai. Ou alors, s'il est toujours dispo sur l'Xbox Live Arcade... Il est toujours disponible pour 10 balles sur Xbox 360. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc quelque part, si vous en avez rien à foutre de l'autre jeu qui est avec... Avec la traduction française complètement nulle, mais oui, au moins, il est qu'à 10 balles. Oui, oui. Voilà. Voilà, bon, pour le coup. Et avec les doublages d'origine, par contre, il me semble. Voilà, ouais, exactement. Ça n'avait pas fait le doublage d'origine. Parce que moi, j'ai une petite affection pour le doublage d'origine. Mais ça, c'est le vieux con qui parle. Et par contre, ce qu'on ne retrouvera jamais, malheureusement, sur le jeu d'origine, c'est le thème final pendant le générique de fin, I Am the Wind. Que j'aime beaucoup, même s'il dénote totalement. Mais voilà, c'est-à-dire qu'après un jeu avec une bande-son parfaite, tu as ce qui pourrait être le thème d'un film érotique M6 ou de Titanic. Les gens ont souvent considéré ça. Le chômeuse, tu sais, le truc oui. Bon, là, de Symphony of the Night. Et il me semble que c'est Cynthia Arel qui chantera MGS3, la chanson de. Ah ok, je savais pas. Et donc malheureusement, les droits n'ayant pu... aucune autre version, à part la version PS1 et Saturn, n'ont cette bande-son. Après, ça a été remplacé par un des thèmes de Lament of Innocence par Michiru Yamane. Oui, ça m'a choqué d'ailleurs quand j'ai refini le jeu sur PSP. Ouais. Ça m'avait choqué, parce que je m'attendais à avoir ma petite chanson, et bah non. Mais bon, ça enlève rien, jouer. Bon, bah voilà. Voilà. Petite parenthèse, la fameuse rubrique parler de quelqu'un ou d'une chaîne dont on a envie de parler. Comme vous voulez. J'ai juste envie rapidement, je colle le lien dans le chat, pouf, de parler de. Alors je sais, c'est un lien Twitch sur un chat YouTube, c'est mal. De parler de l'ami Chaos Pringle qui vient d'être le premier à deux reprises à passer sous la barre des 1h01 sur le. Speedrun 1% de Super Mario Odyssey. Alors, on n'est pas dans le rétro, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui prédisaient qu'on arrivera à passer sous une heure pour le 1% de Mario Odyssey, et petit à petit, on grignote, on est à 1h, 0 minutes et 55 secondes aujourd'hui. C'est invraisemblable. De toute façon, moi, c'est ce que je dis, tant que je suppose une heure, je suis pas impressionné. Donc, sachant que ça y est, le leaderboard a fait ce que je dis depuis des mois de pourquoi est-ce qu'ils le font pas. On est aujourd'hui séparés avec les versions Legacy, qui sont donc les versions 1.1 et 1.0, et les current versions, qui sont la 1.2, donc il y a deux leaderboards séparés maintenant. Et donc ça, c'est sur la 1.0, celle qui permet de faire tous les skips, y compris celui du Sphinx, évidemment. Et voilà, c'est tout. Et c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'occupe de lui, parce qu'il a toujours eu beaucoup moins de subs que d'autres moins connus, comme Nicroveda. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait de gros efforts pour arriver là où il en est aujourd'hui sur le jeu, au point de... Bah, c'est juste impressionnant le nombre d'heures qu'il a pu streamer. Et c'est bien de voir qu'il y a des streamers qui sont... des speedrunners qui sont doués, que tu te dis, c'est un peu comme en guitare, on va en parler de personnes comme John Petrucci, où tu te dis, je pourrais jamais jouer comme lui. Mais il y a quand même des streamers qui, bah, juste par leur effort et leur travail, montrent que c'est possible d'arriver... au même niveau que ceux que tu as l'impression que ils n'ont pas besoin de s'entraîner pour être bons. Quoi. Quelle belle leçon. Alors qu'en vrai, ils s'entraînent aussi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je veux quand même remettre le truc. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais d'accord, ils s'entraînent aussi. Mais bon, après, oui. Après, il y en a naturellement. Tu veux... enfin, je vais parler de... Ça va faire plaisir à Bozic. Tu as des gens comme Shishayu, ils prennent un jeu, ils jouent. Ils sont forts de base. Ouais. Oui, non, mais lui, il est plus de facilité que d'autres, on va dire, mais il y a quand même toujours du travail. Toujours. Ou comme toi qui speedrun les gamins, les doigts dans le nez. N'importe quoi, putain. Et d'ailleurs, je suis en train de pleurer des larmes de sang en reprenant l'entraînement là. Bref, oui, il faut bien que les gens sachent que tu es le meilleur speedrunner de Mega Man X que le monde ait jamais connu. Je pense que je suis le meilleur de. Très clairement, le meilleur de mon immeuble. Ah ouais, de très loin. Très très loin. Méfie-toi de Madame Julienne. Bah déjà, vu que c'est une clinique de. Comment on dit là de... Pour l'arthrite et tout le bazar, là, déjà, les gens qui rentrent dedans, voilà, ils ont des problèmes d'articulation, donc c'est bon. Mais méfie-toi quand même. Ouais. Est-ce qu'on a fini sur ces bonnes paroles? Je pense que oui. Je pense qu'on va pouvoir parler, de... enfin, sauf si quelqu'un voulait faire un big up à quelqu'un qu'il aime. Bah, j'aime bien la petite, j'aime bien la petite pelle, donc big up. Petite, il y a ce qu'on appelle une GDQ Express qui commence ce week-end. Ouais, la XGDQ, alors c'est pas parce qu'il va y avoir du. Non, passons. Ouais, et voilà. Donc, c'est quand même 0x donc, en gros, c'est pas. Bon, bref. Donc c'est comme une AGDQ, mais en plus court, on va dire. Pour les petits. Ouais, bah plus court, plus rapide, quoi, en gros. Pour les petits. Pour les petits, ouais. C'est pour quelle cause ? Du coup, c'est eh bien, justement, c'est la cause que je cherche et que je ne trouve plus. Ah, pardon. C'est pour une cause, une très belle cause. Oui. Ça, c'est pas un problème. Et donc, ce sera retransmis en français sur la chaîne du Baguette Restream. Ah, c'est pas le French Restream ? Non, c'est Baguette Restream. D'accord. Qui s'occupera de cet événement-là. Donc, okay. Bah, voilà, vous pouvez. Sinon, bah, il y a le stream GDQ classique. D'accord, si vous voulez. D'accord. Et vous aussi, allez... Et sur le coup, si vous allez sur le Baguette Restream, vous avez le plaisir d'entendre la voix de Moa sur le, sur le segment Megaman X, c'est ça Du coup, ouais. Et ma voix à moi sur le segment des vieux jeux NES de Papy. Et la voix de Pelle sur le segment Agané. Ben, il se pourrait qu'on entende Pelle aussi avec moi. Je sais pas, je peux confirmer officiellement ou... Et là, je dis quoi maintenant que c'est en public comme ça? Ah, j'ai tout sous la gorge là. Comment on fait un clip sur YouTube? Non, mais pas besoin de faire un clip, la diffusion, les loges. Je mettrai un marquage. Ah bah voilà. Avec le temps, voilà. Donc, bah, voilà. C'est qu'on est à. Okay. On est à combien? On est à. Wow. Voilà. 42 minutes. À 30 minutes, petite pelle, c'est engagé moralement. Là, les pièges de Billon, je les connais. Mais ouais. C'est pas piège. Ouais. Oh, et voilà, tout de suite. Comment il... Bon, messieurs, et si on passait au sujet? Alors, nous sommes tous des rockstars. Mais alors, déjà, peut-être qu'on peut commencer par le début. Il était une Once Upon a Time. Hein, parce que Rockstar. Bah Rockstar, ça n'existe pas déjà. Rockstar. Ça n'existe pas au début. Non. Enfin si, c'était voilà Guns N' Roses, AC/DC, tout ça, mais c'était pas le studio qu'on connaît. Au départ, on était chez Take Two, c'est ça ? C'était pas des Chinois à la base, non ? Hein ? Non mais je veux dire d'accord. Bon, non, mais c'était la blague de tout à l'heure, le gars qui avait laissé un message, un commentaire sur JVC, Nintendo, c'est les Chinois, ouais. Ah. Voilà. Désolé. ça m'a marqué, cette connerie. Et donc, oui, au départ, Rockstar, c'était, s'appelait BGM Interactive, qui était donc une subdivision de Take-Two Interactive, et qui a été fondée par deux frères. Sam et Dan Houser, dont on a entendu un tout petit peu parler ces derniers temps. Et donc en 1998, il y a 19 ans, ils ont formé une compagnie dans le but de publier des jeux. Et en vrai, le label entre guillemets Rockstar a été créé pour unifier entre guillemets les studios de Take-Two Interactive. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y avait plein de petits studios éparpillés avec plein de noms différents et qu'on a décidé de les réunir sous une houlette générale qui s'appelle Rockstar Games avec le nom à coller de chacun des sous-divisions de Rockstar, c'est-à-dire Rockstar End, Rockstar North, une des plus connues, San Diego, Toronto, Londres, etc. Et ce soir, eh bien, on avait envie de vous parler des jeux à l'origine... des jeux dont Rockstar est à l'origine, plutôt, en ce sens-là. Et ça n'a bien sûr aucun rapport avec l'actualité, hein, c'est un pur hasard. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui vivraient dans une grotte, Red Dead Redemption 2 sort demain. Alors, il y en a qui l'ont, parce que c'est des privilégiés. Bah écoute, voilà, on a des... on les a pas, hein. Qu'est-ce voilà. que je dis ? Moi, j'ai eu cœur SMS en disant « Vous pouvez venir le chercher, mais j'ai eu la flemme ». Bon, enfin bref, sur le coup, Red Dead Redemption 2 sort demain. Sans surprise, la presse est dithyrambique avec une moyenne absolument ahurissante de 97 sur Metacritic pour plus de 70 critiques. Ouais. Quand même, n'importe quoi. Et le bon. Cela dit, il a fallu qu'on y arrive à Red Dead Redemption 2. Et avant, on retourne à l'époque de la PS1, de la Nintendo 64. Vous vous souvenez? Ouais, je me souviens d'un certain Body Harvest, ouais. On pourrait remonter plus loin, je pense même d'ailleurs. Bah vas-y, à moi, jusqu'où tu veux remonter? Ah, je sais pas, parce que... Oui. Est-ce qu'on a évoqué le mot DMA Design à la base? Non? Est-ce qu'on en parle? On n'a pas évoqué DMA. Bah vas-y, j'en prie. Comment ça se passe? En fait, tu parlais de Rockstar North qui était les plus connus, mais Rockstar North, à la base, c'était DMA Design, justement. Et là, si on se... Histoire, c'est pour ça que je demandais, en fait, si on s'occupe de toute leur histoire à eux, on monte jusqu'à Amiga, je pense. Facile. Hein 84. Bah, ouais. Mais voilà. Non, parce que je voulais en parler parce qu'ils sont notamment à l'origine, par exemple, de Lemmings. C'est pas rien. Et juste pour info, DMA Design, les frères Hauser n'y étaient pas encore. Ouais, voilà. Aussi. Mais après... Parce que l'idée, c'est... Enfin, je voulais parler surtout de Rockstar et de la période, donc, dite... Une fois le rachat par Take-Two. Là où ils se sont fait vraiment connaître, quoi. Voilà. Parce le truc, c'est que Red Dead, c'est pas un jeu DMA Design. Non. Bah, c'est un jeu Rockstar, hein, du coup. Donc on parlera pas du Nirali, du coup. Dommage. tu peux parler du Nirali, si tu veux. Non, on sait que tu as envie de parler du Nirali, ça se sent dans ta voix. L'humiliation de monocycle. Enfin, tu joues le monocycle, Et le jeu est très bien. Et en plus, il a une particularité, mais on va pas en parler, c'est dommage. Bon, attends. Alors, on va commencer par le début. Puisque vous avez décidé de foutre mes plans en l'air, je m'adapte. Et donc, du coup, parce que là, quelque part, c'est vraiment le carnage depuis 5 minutes. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu trouves? Et donc, sur C'est d'ailleurs pour ça que je parlais pas, je vais pas raconter des conneries par au-dessus. Et donc, sur le coup... Je suis désolé. Donc, c'est pas tout... Parlons de la division la plus connue de Rockstar, aujourd'hui, donc, qui est Rockstar North. North. À Édimbourg. Voilà. North. Et donc, Rockstar North... commencer à faire des jeux. Duncan, donc premier jeu sorti en 1988 et qui sont, comme tu as dit, à l'origine de jeux tels que Lemmings. L'un des jeux préférés de Monsieur Sapin. Mmh. Ouf. Oui, je suis sûr. Ouais. Bon, moi, personnellement, j'ai... Attendez. J'ai une question, mais existentielle. Mmh. Cet homme a déjà aimé un jour un jeu ou c'est... Oh oui, oui. Ah ouais. Oui, c'est Lemmings, effectivement, quand tu le découvres 25 ou 30 ans plus tard, eh ben... J'adore les Mix. Oui, voilà. Ah, parce que les Mix, moi j'ai jamais aimé. Mais bon, là n'est pas le sujet. Les Mix, voilà, qui est quand même, c'est un peu The Game qui a quand même eu un beau succès à l'époque, qui avait une dizaine qui est assez. Bon, tout le monde sait ce que c'est un Mix, évidemment. C'est des espèces de petits êtres habillés en bleu avec une chevelure verte qui ne savent rien faire d'autre à part avancer. Avancer. Voilà, et mourir, c'est tout. Du coup. Et auquel ils ont l'aspect de Fraggle Rock un petit peu. Et il faut leur donner des ordres. Donc évidemment, le but du jeu, c'est d'amener le nombre de Lemmings désirés vers la sortie, tout en utilisant un nombre limité d'attributions de pouvoir aux Lemmings. Il y a eu pas mal d'autres versions. Il y a eu Ono More Lemmings, Christmas Lemmings, Lemmings de Tribe. Il y a eu pas mal de, surtout sur PC et Amiga, MS-DOS et Amiga, il y a eu pas mal de petites suites, d'add-ons, de niveaux supplémentaires qui ont été faits. Et c'est un jeu qui un peu est mort assez rapidement, c'est-à-dire, il y a eu les Mix 3D, non ? T'as pas eu les Mix 3D ? Oui, il y a eu les Mix 3D. Moi j'ai plutôt oublié celui-là, honnêtement, hein. Il devait pas être... Ah non, c'est horrible, je l'ai, donc c'est pour ça que je connais un peu, mais... Et les personnages d'Animings ont été aussi réutilisés un peu plus tard dans un jeu de plateforme PS1 qui s'appelait, et là le nom ne va pas me revenir, et je... Lomax, merci. Non mais t'inquiète pas. Qui était qui est donc la suite entre guillemets spirituelle de Flink sur Megadon. Il y avait un petit air de Rayman un peu graphiquement, qui était plutôt joli, mais bon. Mais j'ai pas aimé ce jeu du tout. Et donc, on va en parler. Donc là, c'est pas le jeu le plus connu de la firme, mais c'est un jeu qui nous bizarrement nous a marqué à tous, qui est donc Unirally sur Super Nintendo. DMA Design est à l'origine du jeu Unirally. Eh oui, Unirally. Qu'est-ce que c'est Unirally? Bah, c'est un monocycle en fait. C'est des courses de monocycles sur des rails, donc c'est vu de profil, hein, évidemment sur Super NES. Et puis le but du jeu, c'est de faire le meilleur score en fait. On peut faire plein de figures en fait. Ouais, voilà, c'est une figure. Et d'ailleurs, pour accélérer, il faut faire des figures. Donc le jeu force vraiment à maîtriser le gameplay de bout en bout. Quoi. C'est super dur à prendre en main. Enfin, c'est super dur de bien y jouer. Quoi. Voilà, après, oui. Mais c'est un jeu qui avait fait son petit effet à l'époque, parce qu'il n'est pas déplaisant et tout. Mais bon, il a eu un succès très, très limité, parce que le jeu a été vite retiré. C'est ça, un million d'années, il a été vite retiré des ventes. Bah, c'est pas qu'il a été retiré des ventes, c'est qu'il n'a jamais été reproduit. Oui, mais de toute façon, il ne ressortira jamais, même en console virtuelle ou quoi que ce soit, hein, parce que le jeu a été interdit après. Parce que le studio Pixar, c'est Pixar, ouais. Ont porté plainte aux créateurs du jeu, parce qu'ils ont recopié justement un monocycle qui était dans un de leurs dessins animés en fait, et ils ont gagné. Alors, en fait, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ça se serait pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que Pixar ont dit, on a fait un court métrage avec un monocycle animé. Oui. Donc, ce concept nous appartient. Ah mais c'était pas le dessin animé n'était pas antérieur à Unirally? Si, quand même. Il était antérieur, mais ils ont décrété que dès que tu animais un monocycle, tu vois, par ordinateur, le créais par ordinateur, bah, c'était eux qui avaient ce concept-là. C'était un peu le délire, quoi. Mais c'était passé à l'époque, puisque bah, le jeu vidéo. Voilà. Ouais, mais n'empêche, ils se sont attaqués quand même à ce jeu-là, quoi, spécifiquement pour faire interdire. Hein. Bah oui, parce que ce jeu-là, c'était clairement le concept, quoi. Mais c'est chaud, quand même. C'est ah oui, ouais, ouais. Mais ce que je dis, si ça se passait aujourd'hui, là, je pense pas que ça aurait eu la même conclusion. Mais du coup, Nintendo a dû arrêter la production. Non. Selon ce que j'ai lu cette semaine, c'est pas en fait qu'ils ont arrêté la production, c'est que Nintendo a pas reproduit en fait ça. Le jeu. Oui, enfin oui. Voilà. C'est pas comme le Tetris Mega Drive où ils ont tout retiré des rayons, quoi. Et donc, ce jeu fait partie des jeux qu'on ne retrouvera jamais en téléchargement et tout, quoi. Ce qui est dommage, quoi. Il y en a quelques-uns comme ça. Et outre voilà, son concept, c'est un jeu qui n'est pas sorti au Japon, déjà, qui est uniquement une version nord-américaine et une version PAL. Le concept est vachement sympa, il est jouable à deux simultanément. Et aujourd'hui, il ne vous coûtera pas un rein. Non, c'est clair, il est entre 30 et 40 euros, je crois, hein, en complet. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, allez-y, les yeux. Oui. Et c'est dommage. Voilà. Bon, il était bien. Non, franchement, il était bien le jeu. Merci. Voilà. Et donc, effectivement, après, on va passer donc sur l'ère des consoles un peu plus modernes, à savoir les 32 bits. Où, tu veux pas faire les océans? Non, je déconne. DMA Design va être à l'origine d'une série de jeux qui, alors je vais le dire comme ça, de manière un petit peu cynique, mais on s'en serait tenu aux deux premiers épisodes. Je sais pas si on serait là encore là aujourd'hui. Donc, qui est la série Didoum. On n'a pas des boss d'IK. J'ai fait une vanne capable de boss d'IK, désolé. Et donc, avec Grand Theft Auto. Et oui. Grand voleur de voiture. Voilà. Ou donc, vas-y. Non, mais j'allais dire, donc jeu sorti sur PC et PS1, ça tout le monde le sait. Mais ce qui est moins connu, et là je vais répondre à tous les gens qui disent que GTA Rockstar sur les consoles Nintendo ça n'existe pas, bah sachez qu'il est comme sorti sur Game Boy Color le jeu. Yep. Alors bon, c'est pas la meilleure version. Bah, il y avait déjà les bases, en tout cas, hein, du jeu de ce qui fait la licence, hein, même si c'est pas du tout le même gameplay, évidemment. vue de dessus et tout ça. Et, mais dans le sens irrévérencieux, complètement amoral. Au moment d'ailleurs du développement du jeu, en fait, ils n'avaient pas pensé à faire un jeu comme ça. Ils avaient juste pensé en fait à faire une course, un jeu de voiture en fait avec une vue de dessus. Ah. Ça devait s'appeler Race and Chase, si ma mémoire est bonne. D'accord. Une espèce de micro machine. Mmh. Ouais, quasiment, ouais. Donc, l'idée de Grand Theft Auto, c'est que vous êtes... Alors déjà, le jeu est vu de dessus. Mmh. Ouais. Ce qui déjà est particulier et qui donne déjà le premier, pour moi, le plus gros problème du jeu, qui est sa jouabilité, où donc vous... Si mes souvenirs sont exacts, il fallait, avec gauche et droite, vous pivotiez le personnage sur lui-même, et avec avant et arrière, il avançait et il reculait. Et donc, sur le coup, ça donnait un mode de maniement assez particulier. Par contre, on retrouvait déjà à l'époque tout ce qui allait devenir plus tard, revenir à partir du troisième épisode, à savoir les vols de voitures avec effraction, la police, les missions à remplir, les cabines téléphoniques qui vous donnent des missions. Oui. Les gardes de gang également. Les gardes de gang, c'est ça. Et tu sais, à l'époque, rien que l'idée de sortir son petit bonhomme et d'aller prendre un autre véhicule, déjà, je trouvais ça. C'était une super idée, quoi. Parce que quand tu jouais un véhicule, t'étais limité à ton véhicule, quoi. Tu sais, ça donnait une liberté quand même, quoi. Le seul jeu de l'époque PS1, tout ça, où je me souviens qu'on pouvait le faire aussi, il y en a peut-être d'autres, hein, vous me direz quand même. Ouais, je crois qu'il y avait Driver 2 qui l'avait fait aussi. Oui, Driver, c'est vrai. Mais c'était bien après. Ouais. C'était la 3D complète. Et c'était en 3D et tout, mais... Ouais. Mais tu vois, l'idée de sortir de son petit véhicule, c'est un peu comme Blaster Master, c'est sur NES, tu sais, c'est des choses qu'on voyait pas, c'est qu'on voyait assez rarement, et je trouvais ça super fun, moi, dans l'idée. Mais bon, voilà. Le succès du jeu a été tel qu'ils ont sorti une extension, qui s'appelait Londres. London, ouais, c'est ça, j'étais à London. Oui. Et qui sortira en tant que disque standalone d'ailleurs sur PS1. Et donc qui donnera une suite directe, GTA 2, Grand Theft Auto 2, qui reprendra presque trait pour trait le premier épisode en essayant d'améliorer pas mal de points. Les deux premiers GTA sont disponibles, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, pour y jouer de manière facile et pratique sur PS1. Mm. Ça va pas vous coûter un rien normalement. Le deuxième est disponible également sur Dreamcast. Ça va pas non plus vous coûter normalement une blinde. La version Dreamcast est plutôt accessible. Après, pour l'histoire, je pense que c'est intéressant de jouer, mais c'est la partie de ces jeux pour moi qui ont assez moyen vieilli, quoi, quand même. Je ne les ai pas fait, je saurais pas dire. Je voulais juste préciser, ils sont aussi dispo sur Steam, si jamais. D'accord. C'était des jeux qui jouaient en petite partie comme ça en attendant, je me rappelle, moi, à l'époque, j'étais étudiant, c'est des trucs qui tournaient vraiment sur les PC de mes étudiants, tous ces petits machins-là, tout le monde l'avait, ça, tu vois. C'était pas des jeux qui étaient très gourmands, en plus, pour l'époque. Ouais, voilà, c'était vraiment le petit jeu que tout le monde avait sur le moment, puis, tu vois, c'était vraiment pour jouer une heure. Moi, je me souviens, ce qui m'avait le plus marqué sur ce jeu à l'époque, c'est, hormis le fait que, du coup, j'avais pas les machines pour le faire tourner. C'était surtout que de toute façon j'aurais jamais pu l'avoir parce que aux infos je me souviens d'un reportage qu'ils avaient diffusé où ils expliquaient que le but du jeu, vraiment le but du jeu, c'était de voler des véhicules et d'écraser tous les policiers sur notre chemin etc. Et du coup là que mes parents étaient en mode ouais, mais c'est n'importe quoi ce jeu voilà. En fait, pour la petite histoire, le jeu c'est pas ça. C'est, on va dire, un effet de bord, quoi. Un malheureux effet de bord, mais pas de tuer des policiers. Au contraire, tu cherches plutôt à les éviter, d'ailleurs. Et pour la petite histoire, en fait, le jeu, il y avait certaines boutiques par chez moi où tu pouvais pas l'acheter. Boutiques spécialisées, surtout, et chez Micromania, tu pouvais y aller. Par contre, ils en avaient rien à foutre. C'est comme ça que j'ai eu le mien. Voilà. Et ouais, c'était cool. Également, Rockstar, à peu près à la même époque, donc en 1998, a fait ses premières expériences de 3D, on va dire, grâce surtout à la Nintendo 64. Et a sorti un jeu qui s'appelle Body Harvest, en 1998. Et c'est Buzzy qui devait en parler. Ok. D'accord. Non, je sais pas si vous avez déjà joué à Body Harvest sur Nintendo 64, qui est une espèce de jeu défouloir qui est plutôt agréable. C'est ça, pour ouais. Pour être révolutionnaire. C'est pas un jeu complètement. Enfin, voilà, il a rien inventé le jeu. C'est juste un pur défouloir. J'ai pas joué, mais je me suis renseigné dessus parce que quand je faisais ma petite liste là, des jeux 64, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, mais tiens. Bah, Disney, ça me dit quelque chose, quoi. Et je savais pas qu'ils avaient fait des jeux sur. Pas de panique, Bozdik arrive. Bozdik nous prévient qu'il arrive, ouais. Oui, oui. Ah. On pourra peut-être parler plus en avant, plus en détail ouais. De Body Harvest. Mais, ouais. Mais oui, un jeu par contre qui est très, très, très sanglant. Oui. Sur la Nintendo 64, comme quoi. Et que je crois que ça n'a pas spécialement emballé Nintendo plus que ça, finalement. C'est pas que ce voilà. Jeu que, justement, après... Ça a coupé. Allô ? Allô, allô ? Zim. On nous joue un mauvais tour. Donc sur le coup, on était en train de parler de voilà. Body Harvest. Oui, N64, d'accord. Et, voilà. Et donc sur le coup, est-ce que tu y as joué toi à Body Harvest, Body Harvest. Non, j'y ai pas joué. Mais ouais. Les retours que j'en ai eus, c'est ça devait être le MGS de la N64. Ah, ils s'en sont un peu. Oui. Oui, malheureusement, oui. un peu éloigné. Légèrement. Mais à la base, c'était ça. C'était censé être un MGS, mais le résultat, il est. Je ne peux pas souvenir que ce soit un mauvais jeu. Pas aussi un grand jeu. Enfin, comme j'ai dit, je n'y ai pas joué, donc... D'accord, ok. Difficile pour moi de juger. Voilà. Il y en a un d'entre vous qui ont joué. J'avoue que non. Enfin, j'ai le jeu, mais je ne me souviens pas y avoir joué. Moi, toi qui es le papa de la N64. Ah, c'est ce que j'expliquais, je me suis renseigné un peu sur l'histoire du jeu, parce que quand j'avais vu que c'était justement des MA Design, je me suis dit, tiens, mais je savais pas que c'était eux et tout. Mais voilà, moi, les seules choses que je savais du jeu, j'étais en train d'en parler quand t'arrivais, c'était vraiment que Nintendo et des MA Design, ils n'avaient pas du tout la même vision sur ce que devait pas être ce tout. Jeu, et qu'en gros, voilà, ils se sont frités un peu. Oui. D'ailleurs, à tel point, ils se sont tellement frités qu'il me semble que c'est pas Nintendo du coup qui a édité le jeu. Okay. Le jeu qui a édité le jeu. C'est Gremlin qui a publié le jeu. Gremlin Interactive. Gremlin, ouais. En Europe, c'est Gremlin et je crois qu'aux USA, c'était. Midway, non ? Midway, peut-être ? Ouais, ouais, bon, il me semble. Donc voilà. Nintendo, ils n'ont pas assumé en gros. Et l'autre jeu Nintendo 64 sur lequel Dedeman Design se fera ses armes sera Space Station Silicon Valley. Un ovni. Ah ouais. Plateforme. Complètement fou le jeu. Il est bien, c'est un bon jeu aussi. Oui. Il est fou. C'est très très particulier comme jeu de plateforme. C'est un jeu un petit peu oublié sur la Nintendo 64. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup, qui valent pas extrêmement cher aujourd'hui. Et qui valent le détour. Alors, est-ce qu'il est. Je crois pas qu'il soit sorti en Europe. Hein. J'ai pas l'impression, c'est un jeu que tu vois pas. Monsieur Nintendo 64, est-il sorti en Europe ? Il me semble. Attends, je réfléchis. Parce que il a plusieurs versions, ce jeu. Il est sorti en Europe, oui. Il est sorti, aussi, il est sorti PS1, en Europe. Parce que PS1, c'est une autre équipe qui a fait le port. Ouais, c'est mais il est sorti en Europe parce que je me souviens. En France. Je me souviens que dans un coup sans le plus, ils en avaient fait la soluce. Donc c'est qu'il a dû sortir en Europe. Oui. Je l'ai jamais vu nulle part. Vas-y, ouais. Par contre, Silicon Valley. D'accord. Par contre, je confirme que le jeu m'avait l'air... Quand j'étais gamin, il avait l'air rigolo. Je le cherchais dans des magasins et je l'ai jamais trouvé. Mais jamais, même pas en occasion. Mais je l'ai jamais vu. Ça fait partie des jeux que j'ai vraiment jamais vu. Dans n'importe quel magasin, n'importe où, en occasion, rien. Mais je me rattraperai. Oh oui. Quelle promesse. Voilà. Et donc. Mais c'est. Ouais, juste pour. Le concept du jeu, pour juste vite fait, c'est on peut prendre possession du corps de certains. Enfin, des petits animaux qui vont du coup avoir des bah, des caractéristiques différentes, quoi. Et le jeu se base là-dessus. Mais c'est, enfin, c'est vraiment bizarre. Le jeu, il est chelou. J'ai pas d'autre mot. Même le titre, il est chelou. Je sais même pas s'il a un rapport avec le jeu. Enfin, je... voilà. Et donc, je disais, oui, ces premières expériences dans la 3D vont servir à Rockstar pour... bah pour sublimer quelque part et reprendre leur Grand Theft Auto de A à Z et se dire qu'est-ce que Grand Theft Auto 1 ou 2 donnerait dans un monde entièrement en 3D. Ouais. Et bah, ils vont lâcher une bombe. Ah oui. Sur GTA 3. Ouais. Ouh, ça a coupé grave. Ça a coupé ? Non, je crois que c'était parfait. Ouais, moi si, moi. Moi par contre, j'ai pas entendu grand chose pendant un bon 20 secondes. Enfin bref. D'accord. Mais en fait, nous on t'entend pas non plus des fois, donc. Ok. Et donc l'idée de GTA 3, bah, littéralement, comme j'ai dit, c'est de reprendre le principe de GTA. Les gangs, les vols de voitures, les missions avec les... Ben, tout ce que vous retrouvez dans les GTA 2D, les transposer dans un univers entièrement en 3D. Ouais. Ouais, ouais. Et ils ont réussi. Ils ont réussi cette espèce de tour de force de proposer un jeu qui a une énorme diversité, où il y a énormément de choses à faire, une map qui, à l'époque, est vraiment extrêmement grande. Ouais, ouais. Qui se débloque au fur et à mesure que vous jouez en trois parties, en trois fois. Et alors, voilà, la question c'est, quand est-ce que vous avez joué à GTA ? Est-ce que vous vous en souvenez de votre partie de GTA, de vos parties de GTA 3 ? Juste avant d'attaquer le truc, est-ce que je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a eu des précédents de jeux monde ouvert comme ça avant ? Ou ce sont vraiment eux qui ont initié le truc, en fait ? Il y avait les Elder Scrolls. Elder Scrolls, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'était c'est beaucoup vrai. Moins action, par contre, hein, forcément. Ouais, ouais. Je crois que Morrowind est sorti après, quand même. Mm-hmm. Je sais plus. Ouais. Sur console, ça doit être précurseur. Mais ouais. Sur console. Parce qu'en plus, là, t'avais une vie, une ville qui avec des habitants, quoi. Et tout. Ouais, parce qu'il y avait des gens et tout qui faisaient ouais, des trucs. Bon, ils marchaient, hein. Mais, ouais, mais... mais c'était déjà pas mal à l'époque, ça suffisait, quoi. C'était ouf. Ils fuyaient en hurlant. Et oui, surtout, ouais. Mais effectivement, enfin bref. Sinon, moi je vais te répondre directement, c'est que je sais que ça a été une bombe parce que je le voyais dans les magazines tout ça, hein, tu sais, que toujours. Mais j'ai jamais joué à GTA 3, tu vois. J'ai joué au premier. Moi non plus. Hein. Mais le 3, alors, j'ai. Et bah, du coup, moi j'ai joué au 3, par contre, ce n'est pas mon premier GTA en 3D. D'accord. Mais, ouais. Mais ouais, ouais. Même en l'ayant fait après d'autres, ouais. J'ai bien aimé. Ce que je trouvais sympa aussi dans ce GTA qu'ils ont absolument magnifié dans ce d'après, bah c'était que tu rentrais dans une voiture, c'est tout con, hein. Tu rentrais dans une voiture et t'avais la radio. Bah oui, oui. Changer de radio. Oui. Et c'est vrai que c'est un aspect important. Ah, mais c'est un aspect important du GTA, c'est une marque de la série aussi. Quand même. Dans le 1 et le 2, il y avait déjà des radios. Mais là, en prenant des radios avec des titres du commerce et permettant de changer la volée comme ça a été fait. Ouais, et enfin voilà, je trouvais ça ouf. Et alors, je sais pas si c'est à partir du 3 ou celui-là où il y avait en plus des enchaînements de vie, qu'il y avait des DJ qui faisaient des émissions. Mais je sais plus s'il y avait des émissions dans le 3, dans Vice City, c'est certain. Ouais, 3, ouais. Enfin bref, mais je sais que voilà, bon, on reparlera peut-être dans Vice City. Moi, j'ai joué à GTA 3, et à l'époque, aussi surprenant que ça puisse paraître, et je vais surprendre les gens qui me connaissent, oui. J'ai joué à GTA 3 sur PC. Et oui, c'est l'époque où je n'étais pas encore dégoûté de jouer sur PC. D'accord. Mais tu l'as découvert à l'époque quand même. Oui, je l'ai découvert à l'époque sur PC, dans une version probablement que je n'avais pas achetée, wink wink. Comment ça? La version PC et la version Xbox avaient une particularité, les deux, c'est qu'elles permettaient d'avoir une radio MP3. C'est pour ça que je ne me souviens pas très bien des radios de GTA 3, parce qu'il se trouve que je m'étais fait une radio heavy metal. Oui. Et ça, c'était bien, ça. C'était ça qui était bien, et qui est toujours bien d'ailleurs avec les versions PC, c'est vrai que. Ouais. Tu peux mettre ta propre musique. Parce que il me semble que c'était des... Je sais pas si c'était encore des morceaux déjà commerciaux dans le 3. Je suis pas sûr. Il me semble que oui. Hein. Oui, déjà. Il me semble qu'ils avaient déjà... Peut-être des trucs moins gros quand même. Peut-être des trucs moins connus, sans doute. Ah bah, et c'est clair que le succès venant, pour les suivants, c'était plus facile. Hein, et donc, je vais juste apporter une précision. Morrowind est sorti en 2002. Donc, après GTA 3. Voilà. Ouais. D'accord. Mais il devait être en développement depuis un sacré moment. Hein, par contre, bon. Bref. Ok. Mais, ouais. Le jeu, ouais, comme tu l'as dit, Beyond, il était vraiment varié. Il était, enfin, sur console, c'était vraiment du jamais vu, quoi. Alors, il était... entre guillemets, il était pas beau. Mais il était pas beau parce qu'il demandait d'afficher un monde ouvert où à l'époque il n'y avait pas tant de chargement. Hein, ceci. C'est ça. C'est surtout ça. C'était une grande ville. Ouais. Il y avait juste un temps de chargement quand tu passais d'un segment à un autre, mais c'était des points très très particuliers. C'était pas très dérangeant en vrai. C'était spectaculaire. La prouesse technique était spectaculaire. Et d'être mode ça douillait pas mal. Il est un petit peu plus agréable à jouer sur Xbox. Bon, après, voilà. C'est un jeu qui n'était pas exempt de défauts. C'est un jeu où notamment il y avait des actions irrévocables, où il y avait des choses, certains collectables même, qui étaient parfois plus accessibles à certains moments du jeu si vous faisiez certaines missions. Enfin, il y avait des petites choses qui allaient pas encore, mais forcément, enfin, on était dans les prémices du monde ouvert. Il y avait déjà l'idée des 100 paquets cachés partout sur la map. Ouais. Ah, ça putain. Qui m'a déjà rendu marteau à l'époque parce que. Niveau caché, quand je dis caché, c'est caché. Hein. C'était vraiment. Voilà. Il y en a certains, pour le trouver, il fallait se lever tôt. Il y avait je sais plus si c'était dans celui-là ou dans l'autre, il y avait un cheat code où tu pouvais mettre des flèches de 40 km de haut au-dessus des paquets. C'est genre. Il est là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça, mais les cheat codes de GTA. Ah oui, c'est vrai que c'est. Parce que un des grands plaisirs que j'avais, moi, dans le jeu, c'était de faire n'importe quoi. Enfin, je suppose qu'on l'a tous fait au moins une fois, hein, peu importe le GTA. Faire n'importe quoi, tu sors un cheat code là pour avoir un tank ou je sais pas quoi, et puis boum, c'est parti. Et ouais, les fameux cheat codes, avec 15 000 boutons à appuyer, c'était génial. Et... C'est pas GTA qui a inventé les cheat codes, mais. Non, mais c'est Monsieur Chou, tu l'avais fait le 3, Monsieur Chou, toi je l'ai pas acheté directement, mais j'y ai joué quand même pas mal, ouais. Ah oui. En fait, je l'avais pas acheté à l'époque. Oh non, c'est Vice City que j'ai acheté. Ah oui. Le 3, en fait, je l'avais pas acheté. C'était un pote qui l'avait, en fait, et quand j'allais squatter chez lui, voilà quoi. On jouait chacun notre tour et ça me suffisait. Par contre, les 1 et les 2, et même le je crois que c'est Londres, ouais, voilà. Ouais. Ceux-là, par contre, je les avais fait en entier, ouais. Le 1 sur PC et les autres, je sais plus sur quel support, mais ouais. Et donc, justement, voilà, on va en venir à ça. Un an seulement plus tard, en 2002, Rockstar Recidive, avec ce qui reste pour moi mon GTA préféré, clairement, qui est GTA Vice City. Ah, c'est un an après, Vice. C'est tout. Ah, tu vois, je l'ai cru, quoi. Ah ouais. Et genre, lui... on n'a pas le temps. Ouais. Et lui, c'est mon premier GTA. Bah, moi aussi. Ouais. Lui, c'est ma première claque, justement. Billy Coban le rappelle, c'est pas GTA qui a inventé le monde ouvert, non, mais par contre, en 3D, sans temps de chargement, voilà. Bon, je pense que c'est peut-être pas le premier non plus, mais c'est le premier qui a explosé, quoi. Ouais. Et donc, Vice City, oh là là. Oh. Alors, tu vois, moi j'avais. C'était la génération justement PS2, GameCube et puis Dreamcast en fait, et j'avais pris la GameCube en premier moi, et donc la PS2 je l'ai eu assez tard, et je me suis décidé à l'acheter. Je l'avais pris avec le pack justement où il y avait un PES dans lequel je me rappelle plus, qui n'était pas si mal que ça, et surtout GTA Vice City, mais je l'ai pris par défaut, hein, le pack, hein, parce que d'accord. Moi ces jeux-là je m'en foutais mais complètement en fait. Et parce que moi, GTA, c'était un jeu qui me faisait mais, ni chaud ni froid, quoi. Enfin, les jeux en 3D, moi, je m'en foutais, quoi. Mais quand je l'ai eu et je l'ai lancé le jeu, mais ça, je me suis pris une claque, mais un truc. Oh, mais je m'attendais pas à un truc aussi bien, quoi. Vice City, ouais. C'était fou, quoi. Là, j'ai vraiment les découvert les mondes ouverts en 3D et tout, quoi. Et puis, musicalement, je veux dire, les années 80. Déjà, on rappelle vite fait donc le principe de GTA Vice City. GTA Vice City, on prend GTA 3 et on le transpose dans les années 80. Et on, surtout, très important, on prend comme principe clairement le film Scarface et la montée en puissance de Tony Montana dans le film Scarface. Oui. Et on décide de alors lui rendre hommage. Parodier, s'en inspirer, je sais pas comment on peut dire. Mais tu sais, avec un skin graphique genre de flic à Miami, justement, hein, quand même. Hein. Tu sais, côté très néon. Vice City, mais. Vice City. Mais c'était dingue. Moi, c'est même jusqu'à. Tu parlais à Chicago, je crois, en fait, c'est pour ça. Mais tu sais, c'est pas les mêmes ambiances. Enfin, il me semble. Oui. C'est, je sais plus, ça se passe où Scarface. Non. Mais bon, moi, c'est pas le sujet, mais clairement l'histoire, la progression, c'est clairement Scarface. Regardez. Par contre, hein, y a pas de. Oui, oui. Y a pas de. Ah oui, c'est clair. Oui. Bien, non, oui, c'est clair. Et c'est bien à Miami. Il arrive à Miami. Ouais. Donc bah voilà. Ouais. Miami aussi apparemment. Ouais, c'est même, j'étais pas sûr non plus. Mais ouais, moi ouais, c'est mon cousin qui l'a débarqué. Il a vu que j'avais une PS2. Du coup, il a demandé à un pote. Ah, t'avais raison. Pas la console. Ouais. Donc, il a demandé à un pote de lui prêter ce jeu-là et il l'a ramené chez moi pour qu'on y joue sur la PS2. Et là, la claque. Hein, l'ambiance du jeu en fait, c'est juste ça, juste l'ambiance. Les années 80, les musiques. Il y a des trucs ouf, il y avait du Michael Jackson, donc, Je vais citer rapidement, donc il y avait donc comme tu dis du Michael Jackson, il y avait du Run DMC, il y avait du INXS, du Bryan Adams, du Yes, des Buggles, Lionel Richie, il y avait également Kool & The Gang, une super radio qui était évidemment... On se demande pourquoi. Ma préférée, V-Rock, avec du Motley Crue, du Ozzy Osbourne, du Maiden, Megadeth, du Anthrax, du Slayer, du Judas Priest. C'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, on sent que le paquet a été mis au niveau des licences. Ouais. Mais c'était la toute première musique en plus. Quand tu commençais le jeu, c'était la même radio, tu sais, d'office. C'est la première sélectionnée. C'était Billie Jean de Michael Jackson. C'était la première. On retrouvait même du Kate Bush, on est dans les années 80, et on retrouvait un petit coucou anti-star Africa de Toto. Oui, c'est j'y joue alors. Et du Blondie, enfin bref, c'est Tears for Fears, je vois aussi. Enfin, c'est vraiment, mais Frankie Goes to Hollywood, les années 80. Et ils ont eu le paquet au niveau des musiques, l'ambiance est. Parfaite, mais vraiment génial, mais vraiment cohérent, parfait, bien fait. Et il devrait poursuivre encore, je pense. Moi, j'aimerais bien un retour comme ça encore des années 80. Mais bon. Et le truc, c'est que si le jeu en fait au niveau du maniement et du déroulement, la carte est pas immense. Au niveau du maniement, c'est pas très différent de GTA 3. Et aujourd'hui, je vous garantis qu'aujourd'hui, lancer GTA Vice City et y jouer avec les standards qui ont évolué en termes de jouabilité, c'est une épreuve aujourd'hui, hein, surtout à pied. Hein. Faut pas se mentir. Hein. C'est pas commencé, je sais pas. Il y a des motos, des hélicoptères. Il est mieux. Il y a même, pour ceux qui se souviennent, des maquettes d'hélicoptères. Avec sans doute les missions les plus infectes du jeu, qui m'ont rendu marteau à l'époque. Les petits trucs radiocommandés, là, c'était pas évident. J'y avais joué moi aussi, sur PC, toujours pareil. Et c'est le premier jeu PC que je me suis amusé à modder. Et modder, c'est-à-dire que donc évidemment Rockstar n'a jamais acquis les licences de l'intégralité des véhicules présents dans le jeu. Et donc l'idée à l'époque, c'était déjà avec des gens qui reskinaient les véhicules pour les faire ressembler à des véhicules réels. Et donc on s'amusait à remplacer les textures dans le jeu. Et le but du jeu, c'était simple, c'est que le jeu, vous rajoutiez des trucs dedans, vous changiez des textures, vous rajoutiez des trucs. Et au moment où soit le jeu se lançait plus, soit il n'arrivait pas à tourner à plus de 10 FPS avec votre machine, c'est que c'était trop. Il fallait en enlever. Ouais. Définition du modding par Beyond, totalement accurate. C'était déjà ça en 2002, parce qu'on était en 2002-2003. On était sur mon PC à l'époque, il devait être un Athlon 550 ou quelque chose de ce cas-là, c'est-à-dire pas non plus une bête de course fantastique. Hein. Et pourtant, eh bien, on s'amusait bien. Et donc, ouais, toi, tu l'as découvert sur PS2. Parce que pareil, ouais. La version Xbox a tendance aussi à avoir meilleure réputation d'un point de vue technique, à être un peu plus smooth, entre guillemets. Non, j'ai pas à la sortir, celle-là. Ils sont mieux sur Xbox. C'est. Faisait pas tourner ce jeu à l'époque, non. C'était pas un PC de compète que j'avais. Mais ça m'empêchait pas de m'amuser. Par contre, sur PS2, je me souviens, il fallait. Ah, c'était la combine de la mort. Il fallait lancer le jeu en anglais, puis le repasser en français dans les menus pour pouvoir avoir droit au mode avec du sang. Ah bon? Ouais. Un peu question, ouais. Et aussi débloquer les missions carnage, des petites pastilles de tête de mort là où il fallait buter tout le monde avec une arme donnée. Bah ça c'était pas dans la version française. Enfin, la version, oui, dans la version française en fait ça y était pas, mais en lançant le jeu en anglais puis en le repassant en français après. D'accord. Ça marchait. Il fallait genre, faire Kung Fu au tout début de la partie. Hein. C'était vraiment tu lançais le jeu en anglais et. Genre Rockstar, ils enlèvent des trucs mais ils sont toujours là. Ouais, bon, bah ça on en reparlera peut-être après. On en reparlera. Et donc, ouais, juste bon, pour continuer donc, l'histoire de Rockstar Van der Rockstar North, le jeu suivant qui va sortir l'année suivante en 2003 sur, toujours pareil, PS2, Xbox et Windows, c'est Manhunt. Alors Manhunt, qu'est-ce que c'est ? Déjà, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est juste de la provocation ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est Manhunt ? C'est... Ça dépend si tu connais les frères Hauser, si tu connais leur façon de faire des jeux. Je pense que c'est facile de répondre à la question. C'était la provocation pour moi, ça reste de la provocation pure et dure, même s'il y a un petit message de fond sur le voyeurisme. Ça reste un jeu qui était fait pour faire parler de lui. Et ça a marché. Il a fait parler de lui, celui-là. Ça a marché. Tu peux décrire le pitch hein, pour expliquer qui est Manon, parce que c'est. Particulier, surtout à l'époque. Ah ben, vas-y, je t'en prie. Manon, c'est l'histoire d'un condamné à mort qui, s'il veut sa liberté, doit aller tuer le maximum de salopards possibles. Mais de toutes les manières possibles et imaginables. Ah, et ouais. Il sera filmé et tout le monde pourra le voir. En fait, c'est une émission de télé-réalité. Voilà, qui était loin avant ce qu'on a maintenant. Ah, ouais, c'est le prix du légèrement danger, précurseur. C'est ça. En fait, c'est ça. C'était un peu une critique de ça. Bon, oui, c'est surtout la provoque, hein, mais c'était un peu une critique du système. Il y a quand même, oui. Il y a quand même le côté on va vous montrer. Quand on voit ce qui est devenu la télé-réalité et même la culture, finalement, actuelle, d'Internet, tout ça, on se dit, on n'en est pas si loin que ça. Il y en a qui se filment en train de rigoler. Ils ont fleuri. Ils se filment à côté de cadavres déjà en ce moment et qui font des millions de vues. Donc finalement. Tu sais, c'était l'époque où le snuff movie, tu sais. Hein. Ouais, c'est pas quand le film 8 mm est sorti avec Nicolas Cage. Ouais. Il me semble. Mais ils avaient bien flairé filon. Après, oui, ça reste quand même de la provocation pure et dure. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et le jeu, on en a parlé plus pour ce qu'il a représenté que pour ses qualités ludiques. La controverse a atteint un pic dramatique lorsqu'ils ont retrouvé un jeune homme de 17 ans qui a tué un autre jeune homme de 14 ans en Angleterre, chez lequel ils ont retrouvé une copie du jeu, où donc il se serait littéralement inspiré du jeu pour commettre son crime. Et là, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, surtout vu notre position à nous, on va être les premiers à dire que c'est pas parce qu'on trouve un jeu vidéo violent chez quelqu'un que... Le jeu doit être pointé du doigt. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, effectivement. Et là, donc. Après, c'est parce que tu as les DVD de la petite maison dans la prairie que tu es forcément quelqu'un de bien. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc, quelque part. Ce que je veux dire, c'est que le jeu a d'autant plus. Le jeu est d'autant plus parlé de lui après cette affaire-là. Et j'allais dire, c'était tout gagné pour les ventes du jeu et pour ce qui est représenté. Oui, non, mais après, comme je dis, les frères Hauser, ils sont très bons commerciaux. Ils savent très, très bien comment marketer. Ouais, toujours le côté provocateur. En termes de gameplay, c'est pas non plus un jeu qui est inoubliable. C'est assez limité. C'est vraiment. Ah, mais le jeu, il faut y jouer. C'était ça pour les mises à mort. Mm-hmm. La base, c'est ça. C'est les mises à mort. Ouais. Si vous voulez, c'est comme Mortal Kombat, mais dans le monde de la télé-réalité. D'accord. Le jeu a été Des fatalities. Avec les fans. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a Stevie Dulof dans le jeu ? Je passe pour savoir. Non. Non. Non, on a dit des criminels, des méchants criminels. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. On n'a pas dit des gens avec des cheveux décolorés. T'es gentil en plus, arrêtez de vous moquer. Bah, c'est pour ça que j'avais dit des gens avec des cheveux décolorés. Ah oui. Et donc, Manhunt sera suivi donc, dans le second épisode de Manhunt 2. Qui fera aussi beaucoup parler de lui à l'époque, au niveau censure. Je ne sais pas si vous souvenez. Manhunt, le premier, en fait, je n'en ai pas tant entendu parler que ça. C'est le seul lorsque le du deux, moi, ouais. C'est lorsque le second est sorti que là, ça a fait beaucoup de débats. Notamment, on a vu des personnes monter au créneau comme Hillary Clinton pour. Ah oui, pour reclasser le jeu et demander une censure supplémentaire. D'accord. Ça a été, à l'époque, voilà. Mais le problème, c'est que c'est un jeu qui est pas, voilà, encore une fois, c'est pas un jeu d'une qualité, c'est pas un jeu d'une qualité démente, qui était juste là, encore une fois, pour surfer sur la violence gratuite et, sous un prétexte de dénoncer. Bon, voilà. Mm-hmm. Je veux dire, ok, le jeu il se veut une espèce d'orange mécanique moderne. Bon, très bien. Après, effectivement, oui, Manhunt 2 aux États-Unis, il y a un avocat, Jack Thompson, qui a fait en sorte qu'il soit banni. Là, ça a été compliqué. Ça fait partie des jeux qui effectivement sont haïs. Ah bah Jack Thompson, de toute façon, et les frères Hauser, c'est une grande histoire. Hein, pour ouais. Ah ouais, non, mais lui, ça a toujours été problématique. C'est toujours. Voilà, bref, moi, ça fait vraiment partie des jeux que j'ai pas envie de retenir de Rockstar, parce que c'est... Après, ouais, il faut bien manger, ma petite dame, quoi. Oui, mais malheureusement, ou heureusement pour eux, ça a fait parler d'eux, et ça s'est vendu. Mmh. Ça s'est vendu, c'est quand même des succès. Ça reste des jeux. Et donc, voilà, on en vient après quand même à l'autre sortie, enfin l'autre jeu qui a assis vraiment la réputation de Rockstar et qui pour moi est sans doute le GTA dont on a le plus parlé, c'est le fameux GTA San Andreas. Ah oui. En 2004, toujours sur Xbox, Windows et PS2. Ouais. Pour moi, c'est clairement l'épisode qui, là, a commencé à façonner les jeux en monde ouvert, même jusqu'à actuellement, là. C'est-à-dire, il fallait absolument que la map soit énorme. Non, mais là, c'est démesuré. Absolument qu'il y ait des milliards de collectables. Ouais. C'est des milliards, mais je déconne même pas. Hein. Le nombre de trucs à collecter dans celui-là est hallucinant. Et le premier GTA avec une triple VO, vendue dans le commerce. Ouais. Et il y avait, c'était vraiment l'épisode plus quoi. Il y avait tout mais plus. Bah c'était censé être l'épisode qui me plaisait le plus parce que c'est un univers que j'aime bien. Ah mais il est vraiment. Les GTA. Alors, ah bah ouais. Il est bien. Hein. Moi j'ai vraiment aimé. Hein. Mais tout me plaît dans le jeu. L'habillage, la musique, les thématiques. Oui. Ça fait écho à des films que je regardais. Ouais. Ah bah là c'était ouais. Buzz in the Wood, ce genre de choses. Mais le jeu en lui-même. L'inspiration, donc là, c'est les quartiers américains qui craignent avec les gangs. C'est avec les films de Spike Lee, quoi. Évidemment, pour une fois, parce qu'il faut le dire quand même, le personnage noir au centre d'un jeu vidéo. Oui. Tu sais, les quartiers mal. Moi, ça me faisait penser aux quartiers dans les films Training Day, tu vois. Vas-y, Training Day. Okay. ça aussi. Oui. Découvrir ce qui s'est passé. Il va faire un petit peu alliance avec les personnes du quartier. Il va y avoir, le jeu va beaucoup développer les guerres de gangs, puisqu'on va, c'est dans cet épisode-là, ouais, qu'on va commencer à vraiment avoir des gangs qui sont tenus par certains groupes qu'il va falloir aller déloger. Et à certains et marquer nos territoires avec des tags et tout. Hein. Et quand tu dis marquer nos territoires, c'est pas comme les animaux. Hein. Ouais. C'est aussi un jeu qui est remarquable. Pour une autre chose, c'est que physiquement, vous allez pouvoir aussi faire évoluer votre héros. Oui, lui faire manger beaucoup de burgers. Soit le faire bouffer pour faire grossir, soit le faire aller à la salle de sport pour le qui court plus vite, le muscle, l'endurance. Bah, c'est ça le pire, c'est que ça a des incidences sur ta manière de jouer, quoi. Ouais, tu vois, moins vite, tu vois. C'est... Un truc qui m'avait bien plu, pour rester dans les atmosphères, c'est la lumière aussi du jeu. C'est qu'elle était très orangée, toi, ça donnait vraiment. Bah, c'était le soleil, quoi. Ouais, ouais, c'est, mais c'est le quartier de Los Angeles, tu sais. Exactement, ça donnait vraiment une lumière de cette région et c'est vraiment très joli, quoi. Non, mais ils ont réussi leur coup. C'est une chose que je pourrais pas leur enlever. Ils ont retranscrit exactement ce que je voyais dans les films quand j'étais plus jeune. C'est un copier-coller. C'est un copier-coller. Vous ne l'avez pas dit, mais en termes de véhicules aussi, c'est absolument incroyable. Tu peux faire du vélo, ouais, c'est ça qui m'a le plus plu. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais le vélo, c'était excellent. Craqué, c'était le VTT, tu traçais avec. Hein. C'est le premier qui vous impose aussi de passer les pilotages, les permis d'avion. Ouais, oh mon Dieu, c'est permis. Et Moa, tu parlais tout à l'heure des cheat codes, et là, celui-là, c'est celui où il y en a eu le plus. Hein. Ah ouais, mais attendez, parce que moi, j'ai pas... Enfin, il y a marqué, c'est la maçonneuse batteuse, quand même. Ah, ça, je connais pas. J'ai très peu joué. Bah, tu peux prendre une moissonneuse batteuse, et qu'est-ce que tu peux faire avec la moissonneuse batteuse? C'est rouler sur des gens. Oh. Et ça fait des petits paquets de gens. C'est quoi, tu m'as donné envie. Ça fait des modes de gens, tu sais. M'a donné envie de jouer avec ça, monsieur. Et il y avait un jetpack. Enfin, en termes de folie, ils sont allés loin dans celui-là. Après, est-ce qu'actuellement y jouer, c'est compliqué ou ça subit les affres du temps? Par exemple, il est. Le problème de GTA San Andreas, c'est le même que Vice City et GTA 3. C'est-à-dire c'est le même maniement. Et bah, par exemple, le second stick ne contrôle pas la caméra, si mes souvenirs sont exacts, où la caméra fait un petit peu ce qu'elle veut. Et les sauts sont extrêmement raides. À véhicule, c'est toujours marrant. À pied, même le système de tir, il est quand même un peu... comment dire? Pas fabuleux. Oh, il sera toujours mieux que dans les Uncharted. Hein. Pardon. Je tacle gratuit, je suis désolé. Et l'autre chose dont on a parlé, comme on l'a dit, le jeu allait très loin. Il a failli même aller un peu plus loin que ça, avec des petits oublis dans le code du jeu. On l'avait laissé, on n'avait pas vu. Ah, alors, déjà, introduction, déjà, on peut avoir des petites amies. Et je dis des petites amies. Le jeu permet effectivement d'avoir bien avant Assassin's Creed Odyssey, je pensais que c'était Assassin's Creed qui avait inventé ça, mais non, on peut avoir des relations avec. Alors, par contre, là, c'est pas deux lignes de dialogue. Il va falloir y aller parce qu'elles vont pas passer vraiment sur le long terme, plusieurs rendez-vous, etc., jusqu'au moment où vous allez enfin pouvoir conclure. Et juste au passage, il y en a certaines qui aussi accordent une importance à votre physique. Hein. C'est-à-dire, il y en a une, je me souviens, elle aime les gars musclés, et par contre, il y en a une autre. Elle préfère les gars un peu les gros tacos. Un peu plus enrobés. Et Rockstar avait prévu d'inclure un petit mode apparemment où nous aurions pu, via une espèce de mini-game de rythme, simuler la relation sexuelle entre... Enfin, simuler. Maintenant, justement, voir la relation sexuelle entre les personnages pour essayer d'être performant. Ce qu'on voit dans God of War. Ils se sont dit à un moment, c'est peut-être pas une bonne idée, on va le retirer, mais... Coffee qui a fait parler Les... Ah, je peux voir. Désolé, ça avait coupé, ça faisait une minute que je vous entendais plus. Donc voilà. D'accord. Donc, bon retour parmi nous. Bah ouais. Et donc je disais, oui, le mode hot coffee, on est en train de parler du mode hot coffee. À l'époque, il faut savoir que ils ont réalisé, ils ont fait un patch, ils ont appelé cold coffee, lol, où donc le but du jeu, c'est de télécharger le patch et de l'installer sur le jeu pour retirer totalement le code qui permettait de faire ce vrai, ce faux mode, enfin, qui n'existait même pas vraiment. Je rappelle qu'on est en 2005 et que la diffusion d'un patch en 2005, c'est pas comme en 2018. Hein. Ah, c'est voilà. Et alors, autre petite nuance de taille, qui aurait de lui-même téléchargé le patch, téléchargé ce patch pour enlever une telle possibilité, hein. Mis à part, je pense, des parents qui étaient au courant de la chose, personne. Il faut le voir. Hein. Non, mais après, voilà. Comme d'habitude. J'aimerais bien lire le patch note d'ailleurs. Enlève le mode porno du jeu. Quoi? après, effectivement, c'est à se demander si tout n'a pas été fait exprès. C'est tellement leur façon de faire à eux que. Les hot coffee sont également accessibles sur PS2 et Xbox via du hacking. Et ils ont été retirés de toutes les versions Greatest Hits, Platinum, Trilogy et tout ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que la version PS3 que j'ai, il n'y aura pas. C'est des bouts de code laissés qui ne sont pas censés être accessibles. Bon, voilà. Mais cela dit, apparemment, d'après le Wikipédia, il y aurait eu un total de 2676 plaintes pour un bout de code oublié dans un jeu inaccessible, sauf si on hack le jeu. Ouais. Okay. Quand même. Je veux dire, quand même. Il y a seulement eu 2000 plaintes. Pour je sais pas combien de millions d'exemplaires de vendus. Ouais. Okay. Ça doit être l'épisode le plus vendu, il me semble, hein, des GTA. Non. Idée. Bah non. Bah non. Ah non, c'est tout, c'est l'épisode le plus ah, vendu. Ah oui, oui. Bah oui, bah oui. Bah il est, oui, c'est vrai. Il est inattrapable. Oui. Je sais pas quoi, oui, c'est. Ouais, on spoiler, hein, c'est le 5. Hein, mais, oui, voilà. Oui, mais il est inattrapable, le 5. On en parlera plus tard, mais. Et donc, sur le coup, Rockstar, alors on va parler sur le coup, on va parler technique, on va changer un petit peu de. Voilà. Rockstar, pour la suite de ce qui va. Rockstar, non, et pour les autres studios, de ce qui va se passer. À moins que vous vouliez parler de Bully. Hein, vous allez pouvoir parler de Bully, vous allez me dire Beyond, t'as pas parlé de Bully, même si c'est pas Rockstar Nord, c'est ça? Et t'as pas parlé de Bully. Ok. Ouais, Bully. Alors, on va parler de Bully avant de parler du moteur que va créer Rockstar pour faire des jeux en 3D. Donc. Une autre section qui n'est pas donc Rockstar North, qui est Rockstar Vancouver, va développer un jeu qui s'appelle Bully. Est-ce Bully, que c'est un jeu sur un bonhomme de neige? Non. Oh. Je m'en vais comme un prince alors. Qui va être renommé Canis Canen Edit. Parce que Bully en anglais, ça veut dire Monsieur Moa, notre bilingue. Je sais pas. Vous m'entendez là? Oui. Ah, non, parce que j'ai mon micro qui fait des choses bizarres là. Hein. C'est une brute. Enfin bref, c'est une brute. Mais ouais, un bully, c'est oui, c'est le mec qui va un peu qui va te mettre le violenter ses camarades de classe. C'est Nelson Muntz dans Les Simpsons. Exactement. Je crois qu'il y a pas meilleur exemple que lui. Enfin, le l'ancien Nelson, pas le nouveau qui est un peu chouchotte. C'est vrai. Ah non, mais me dis pas qu'ils ont cassé Nelson dans le nouveau Simpson. Oui, totalement. Bref. Mais on va. Et donc, sur le coup, l'idée de Bully, là, c'est pas très compliqué. Hein. C'est de prendre la formule entre guillemets GTA, monde ouvert, les missions, les interactions avec les personnages, etc. Et de l'adapter dans un univers donc d'école américaine où. Bon. Ce qui est important. Parce qu'ils s'en prend plein la gueule à quoi. Et en fait, je. C'est... Désolé, ça a encore coupé. Je sais pas ce qui se passe. Okay. On t'entend. Ok, on va essayer de changer un peu le serveur, voilà, hop. On verra bien. Voilà, voilà. Et donc, sur le coup, Bully, qui est sorti chez nous, son nom Canis Canen Edit. Apparemment, Bully, il ne fallait pas l'appeler comme ça. Je sais pas. C'est un jeu qui a plutôt été bien accueilli. C'est un jeu qui est plutôt rigolo, où vous devez assister à des faux cours, entre guillemets, où vous devez répondre à des vraies questions, comme si vous étiez vraiment à l'école. C'est comme Persona. C'est comme Persona, voilà, c'est ça. Je dis, c'est Persona. Non. Et vous avez des missions donc, de bagarre pure et simple. Vous avez des missions où le but, ça va être juste d'humilier des camarades pour le plaisir. Tu as des missions où tu fais copa-copa avec un vieux monsieur SDF. Et c'est vraiment l'idée de GTA transcrit dans l'univers de l'école. C'est un jeu qui est sympa. C'est un jeu qui est ressorti après sous une version censée être plus complète, mais qui en vrai change pas grand-chose. Donc la Scholarship Edition sur la Wii est 360. La version il me semble 360... qu'il est sur Steam aussi. Hein. Il me semble qu'il est aussi sur Steam. Alors ça, je ne saurais pas dire. Je l'ai sur Steam. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai sur Steam aussi. La version Xbox était connue à l'époque 360 pour être un peu buggée, mais apparemment les patchs qui étaient sortis après amélioraient pas mal les choses. La version oui, évidemment, se jouait avec cette saloperie de Wiimote et Nunchuck. Bref. Ça, c'est une aberration. Voilà. Surtout pour ce genre de jeu. Voilà. C'était pas dans Bully où t'avais un mini-jeu où fallait que tu mettes les noms des pays sur la carte ou un truc comme ça? Ouais, il me semble ça serait tout... bien possible. Oui, il me semble. Je pense, oui. Après, comme moi, j'ai joué il y a très, très, très, très, très... Bah, moi aussi, c'est l'un des rares souvenirs que j'ai du, j'ai du jeu. Fait, moi, donc je, là... Et j'ai pas un souvenir désagréable du jeu. Je suis pas le seul. Ouais, non, non, c'est pas vilain. Il a quand même été bien reçu par les gens. Même encore maintenant, il a encore bonne presse. Ouais, ouais. Mmh. Le jeu est quand même bien aimé. Beaucoup souhaiteraient une suite, hein, je le sais. Ils l'ont pas ressorti sur PS4, non? Non. Non, non, non. Non, non, non, il me semble pas. Et donc si. Ah bon, il y a une version? Ouais, ouais. En sortie mars 2016. Et ouais. Bah, c'est bien passé inaperçu. Bah ouais. Carrément. Je savais pas. Ok, bah, comme quoi. Je savais pas non plus. Si, mais, ah non, c'est la version PS2. Gamme. Oui, il fait partie de cette gamme de cette PS2. Oui, c'est la version PS2, d'accord. Ah, mais c'est ça, d'accord, oui. C'est pas une version faite spécialement. Non, non, non. Il y a non, un non, jeu, non, jeu non, PS2 qu'ils ont ressorti, d'accord. Oui, ils l'ont ressorti, oui. Ok, ok. Bon, et donc, sur le coup, on va passer, c'est déjà 22h40, je vais passer rapidement à ce qui va devenir de Rockstar plus tard. Ils vont se dire qu'après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ils vont créer un moteur de jeu qui s'appelle Rage, pour Rockstar Advanced Game Engine. Et ce moteur de jeu, ils vont l'expérimenter avec un jeu surprenant, qui est, et je suis sûr que vous vous en souvenez tous, Table Tennis. J'adore ce jeu. À savoir, sans doute, le meilleur jeu de ping-pong qui a jamais été créé. Un des je seuls, confirme, hein. Je confirme. Pour y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Ah oui. Je vais être le seul, merde. Oui. Oui, le moteur Rage a d'abord été testé sur Table Tennis 360. C'est vraiment un super jeu. Et oui, non, ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ouais, ce que je veux dire, tu n'es pas seul, Bozik, parce que énormément de gens considèrent que c'est vraiment un excellent jeu. Ah, mais c'est moi qui aime le ping-pong et qui ai beaucoup joué pendant des années. J'ai jamais ressenti ça. C'est... Ah ouais, tiens, c'est vrai, je connaissais pas. Magique. Hmm. C'est très très bon. Bah, écoute, il va falloir que j'essaie de trouver ça. Ah oui, si vous aimez les jeux, on va dire, de sport atypique, parce que c'est un jeu de sport atypique, essayez-le, hein, mais c'est... Carrément. Tu n'avais pas dit que c'était un jeu de tennis, de table? C'est pas trop... Bien entendu, j'entends pas. Non, mais oui, mais merci Beyond de mettre ce jeu sur la table. C'est un peu, voilà, c'est pardon, je... Et donc, ça leur a permis d'expérimenter donc, le moteur de celui qui va sortir du premier GTA de la génération 360 PS3, qui est donc le fameux GTA 4, Grand Theft Auto 4. Alors, GTA 4... Ben, qui n'a pas mis tout le monde d'accord, hein. Voilà, c'est un peu « Je t'aime, moi non plus ». Je n'aime pas le jeu. Les aventures de Nico Bellic. C'est ça, Nico Bellic. C'est Nico Bellic. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai adoré le jeu, mais le truc, c'est que ce que beaucoup de gens lui reprochaient, c'était « c'est pas un GTA ». Non, moi c'est pas ça. C'est pas ça que je regarde. Machin, la conduite des véhicules. C'est ça. Par contre, ce que beaucoup de gens lui reprochaient, et là je trouve que tout le monde a raison, c'est la conduite des véhicules. Tu sais, des séquences où t'as des missions obligatoires avec conduite. Mais pas tout le monde, il y en a qui ont préféré. En fait, cette conduite-là. Ils ont voulu faire une conduite plus réaliste. Mais je suis désolé, c'est. Bah déjà, c'est pas ce que tu cherches dans un GTA normalement. Non, mais c'est... Alors... je suis d'accord, moi non plus ça m'a pas plu, mais je sais qu'il y en a qui ont aimé. Hein. Et ensuite, c'était pas assez réaliste du coup. C'était réaliste mais bizarre du coup. Mais disons que rouler normalement, c'était déjà une épreuve. Ouais. Et qu'en plus, le jeu il te disait d'aller boire au bar et de rouler bourré après, là t'étais dit non. Oui, en plus, c'était des missions obligatoires et pour moi, c'était une torture. Moi qui aime déjà pas conduire dans les jeux de base, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. En GTA 4, c'était une torture. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils ont voulu réaliser, c'est-à-dire que le moindre choc avec l'autre voiture faisait à peu près n'importe quoi, le moindre virage se terminait en tête à queue. Et on se disait, mais ok, mais les gars, pourquoi vous avez fait ça? Ça enlève le côté amusant. Alors qu'à côté de ça, le jeu a été amplement salué pour son écriture, l'écriture du scénario de ses personnages. Et c'est pour ça que je l'adorais, moi. Niko Bellic est un super bon personnage. Ah oui! Pour le côté très nihiliste de son scénario et très. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un jeu joyeux. Puis moi j'aimais bien les gens. Et puis enfin la l'écriture est vraiment géniale. La bon je spoilerai pas, mais il a une punchline à la fin en fait, Niko Bellic, où tu te dis putain mais c'est ça quoi. Enfin voilà, c'est ouf. Mais pour le coup moi j'ai aimé. Là on disait tout à l'heure j'avais pas fait le 3 puis d'autres, mais il semble plus proche du 3 celui-ci quand même quoi, dans la ville et tout. Non? Bah déjà c'est Liberty City. Oui c'est Liberty City, ouais. Donc c'est la ville du 3. Ouais. Bon remodé, hein, mais en termes d'ambiance c'est la même chose, comme là t'as raison. Ouais ouais. Après il n'y avait pas. Il se tournait que c'était Bobby. Je me souviens. C'est trois jeux de toute façon par la suite, mais c'est une façon de diriger son perso, cette lourdeur, c'est quelque chose voulu qui reprendra dans un autre jeu. Red Dead. Ah, tu trouves? Ah oui. Et juste, c'est la même chose. Terminer rapidement sur GTA 4, les deux DLC sont pas mal réputés, Lost and Damned et surtout The Ballad of Gay Tony. Surtout The Ghetto. Le DLC il est excellent. Voilà. J'ai pas fait donc je peux pas. Parce que c'était l'époque où les DLC commençaient vraiment à publier et à avoir mauvaise presse et tout. Mais alors ceux-là, pas de problème. Hein. Ça se rapprochait plus des extensions comme on pouvait avoir sur PC que de DLC au sens voilà une armure de cheval à 15 balles. En parlant de DLC, si vous avez comme moi une version Steam de ce jeu avec ses DLC, vous ne pouvez plus y jouer maintenant. Il faut se connecter au truc en ligne et qu'il n'existe plus, le jeu ne peut pas se lancer. Donc j'ai acheté le jeu. Oh la baise. J'y ai pas joué tout de suite. Ah ouais, donc pas trop bon. Bah non, là j'avais joué moins de 2 heures, j'ai vu, je peux pas me connecter, les services en ligne n'existent plus, le jeu ne se lance pas. Putain. J'ai demandé à Steam de me rembourser, non, vous avez dépassé le délai, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais acheté, j'avais pas encore joué. Et c'était combien? C'était pas cher, il était vraiment en promo pour le coup. Ouais. Et le jeu avec les DLC était un prix véritablement réduit. Je me suis dit, je vais lui redonner une chance. Ouais, ouais. Bah non, malheureusement non. Donc ne vous faites pas avoir. C'est abusé ça, hein. Je savais pas moi. Bah t'es obligé de te connecter. Ils ont fait un autre truc abusé d'ailleurs, tiens. Bon, on en parlera un petit peu après. Ouais, on va en parler juste fin de l'aparté. Et donc voilà, donc on peut toujours jouer sur 360 ou PS3. Ballad of Gay Tony, donc en particulier, est pas mal réputé parce que c'est un jeu qui amène. Ben, c'est une extension qui amène de la légèreté au jeu. C'est comment dire, mais peut-être que GTA 4 était peut-être trop. Trop lourd dans l'ambiance, trop lourd dans le maniement des personnages, trop bateau, et c'est vrai que moi perso je fais partie des gens qui ont été assez rebutés à l'époque par GTA 4 et assez déçus du résultat final. Et d'ailleurs, tous les DLC, et même le jeu principal, finalement, racontent la même histoire, en fait, finalement. On s'en rend compte pas forcément immédiatement. Enfin, si on connaît très bien le jeu, on se rend compte que les personnages qu'on dirige, on les croise dans le jeu principal. Et c'est une quête à partir avec des diamants, hein, voilà. Et c'est ces diamants qui arrivent, qui font dérailler complètement le jeu principal et qui sont aussi au cœur de l'action de ces DLC. Du coup, on voit les trois points de vue de tous les, enfin, on voit les points de vue de quasiment tous les protagonistes, quoi, sur cette quête. Et ça, je trouve ça très très bien vu et bien écrit aussi, du coup, bien amené. Voilà. Bon, apparemment, du coup, il n'y a que moi qui ai aimé GTA 4 ici, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, je pense. Ouais. Bon, ben voilà. Mais par contre, effectivement, oui, je l'aime pas pour les mêmes raisons que j'ai aimé Vice City, quoi. Clairement pas. D'accord. Après, c'est pas parce que je l'aime pas que je vais pas nier sa qualité d'écriture. Oh. Oui, bien la sûr. La façon, la mise en scène, tout ça, ils savent faire. C'est juste que certains partis pris de maniabilité, c'était trop pour moi. Beaucoup trop. Et donc, 2 ans après GTA 4, comme on l'a dit, donc on va en venir au jeu qui nous intéresse. Rockstar décide de transposer la recette GTA au Far West, ce coup-ci, et sort donc Red Dead Redemption en 2010 sur Xbox 360, PS3 et PC. Non, pas sur PC. Salaud. PC Master Race, bah, il va pas courir vite votre cheval sur Red Dead, c'est moi qui vous le dis. Et, alors, donc, Red Dead Redemption. Et bien moi, j'ai pas aimé. Non, vas-y. Ben moi aussi. Vas-y, Pelle, dis-nous que c'était bien. C'était fantastique. Et on coupe les micros de Monsieur Beyond, Monsieur Chou. Mais alors, ça dépend ce que tu recherches dans le jeu. Beyond, je sais pourquoi il a pas aimé, et c'est pour une raison qui s'estompe avec le temps, donc c'est dommage. Ouais, et moi, je vais dire pourquoi j'ai aimé, donc... Vas-y. Voilà. Non, je sais pas. Si. Non, mais c'est parce que justement, on retrouve... c'est pour le western, mais le western, c'est au sens large. Parce qu'il y a plein de westerns. Hein. T'as les westerns de John Ford, t'as les westerns spaghetti. Et justement, là, ça reprenait vraiment les westerns spaghetti. Là, t'as le droit du Sergio Leone en long, en large et en travers. Mais en fait, quelque part, c'est normal. Petite Pelle, il a connu l'époque. Bah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais j'ai connu c'était le père d'Ennio Morricone à partir de là, tout est dit. Hein. Il a connu l'Ouest sauvage, lui. Donc... Ah oui, bien sûr. La ruée vers l'Ouest, c'est petite Pelle. Ah, oui, c'est John Marston, elle vient d'où. J'y étais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouvait vraiment ces personnages avec les coupes-vent qu'on retrouve justement dans, il était une fois dans l'Ouest ou dans les BD de Blueberry. Tu vois, c'était vraiment ça qu'on retrouvait, c'est-à-dire un western assez sale, poussiéreux. Et c'était. Tu prends les westerns avec Clint Eastwood. Mais complètement, les Clint Eastwood, c'est complètement ça. Pell Rider, l'homme des hautes collines, l'homme des hautes plaines. Moi, franchement, c'est tout ce que j'adore. Quoi. Ah, et si donc, t'aimes ça, t'aimes le jeu. Ah, ben, d'accord, parce que voilà. Complètement. Après, ça reste un jeu contemplatif. Et c'est là que j'ai adoré l'écriture, moi, du truc. Encore une fois. Hein. Je me bouche les oreilles. Ah oui, non, mais moi aussi. Je déplore juste ce qu'ils ont fait du personnage de Bonnie, mais parce qu'il sert à rien, mais. Mais oui, le jeu, je l'ai aimé. Je fais partie des gens qui ont quand même aimé le jeu et qui ont passé un très bon moment. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était c'était l'Ouest sauvage. Et du coup, tu pouvais prendre ton cheval, tu pouvais te barrer, puis tu croisais des trucs. Et au détour d'un chemin, tu croisais un Sasquatch. Des fois un ours, des fois un cannibale, des fois... des fois un Yeti. Ça, c'est dans l'extension. Mais franchement, moi, ça me fait vraiment halluciner. Là, même le bruit du... Bah, du galop, quoi, du cheval et tout. Moi ça, je trouvais ça génial. Quoi. Non, mais après, c'est Rockstar dans le. Putain, encore, c'est pas vrai. C'était super bien géré quand même tout ça. D'ailleurs, on parle de Red Dead Redemption. Il y a eu Red Dead Revolver avant. C'est pour juste pour. Oui. Totalement sur PS2. Ah, mais c'est pas le premier Red Dead machin. Non, oui, on le sait. Il y a Red Dead Revolver qui était plus un espèce de rail shooter. Un jeu de shoot quoi. T'as la cible sur la tête des mecs, faut tirer dans la tête. Moi, je voudrais savoir pourquoi Monsieur Chou et Beyond n'ont pas aimé en fait. Non, mais moi, c'est l'univers. Perso, l'univers me laisse un peu froid. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Si jamais t'es pas quelqu'un qui est très friand en Stern, ça va être compliqué. Voilà, c'est juste ça. C'est pas juste par plaisir de pas aimer un jeu. Non, mais ça aurait pu être pour les. Non, c'est pas juste ça. Tu vois, Beyond, lui, c'est autre chose aussi. Ah ouais, parce que moi, je fais partie, donc. La skin, entre guillemets, je m'en fous un peu. Je suis pas spécialement western, au contraire, mais c'est pas parce que j'aime pas les westerns que je vais pas aimer le jeu. Non, ce qui m'a saoulé, c'est la jouabilité, déjà, que j'ai pas trouvé, que j'ai trouvé pas Todd, comme GTA 4. C'est ce que je t'avais dit, hein. Ils ont l'écriture. Alors, quand tu dis l'écriture, c'est bien écrit, tout ça, mais putain, comme GTA 4, le jeu, il ferme jamais sa gueule. Oui, c'est vrai. Alors là, je suis d'accord avec toi. Oui, quand tu es en cheval, ça parle. Quand tu es en calèche, ça parle. En calèche, ça parle. Quand tu te fais attaquer de toutes parts, ça parle encore. Vous savez à quoi ça m'a fait penser, moi, d'ailleurs? Ça m'a fait penser à un film de Tarantino. En toutes circonstances, des personnages vont parler, balancer une grosse punchline dégueulasse, tu sais. Bim, je suis là. Le truc qui m'avait dérangé, mais Samoa, tu l'as dit, c'est peut-être que ça s'estompe au fur et à mesure, mais ça m'a bloqué vraiment au début, c'est les événements aléatoires. Moi, j'aime bien programmer ce que je fais, aller là. Le jeu, il commence à me balancer, t'es sur ta route tranquille, et t'as un type qui fait « Venez m'aider !» Et là, tu dis « Ben non, j'allais là-bas, justement. Tu ne m'as pas aidé, tu es un méchant, ta réputation baisse. » Quoi ? Ouais. J'ai rien demandé ? Et ça me casse mais complètement le truc. Enfin vraiment. Ouais. Alors il y a qui vont dire c'est de l'immersion, mais alors ça me casse les burnes moi. Oui, ça m'a Non, moi je suis entièrement d'accord avec toi et justement quand j'ai commencé ma partie, je me suis dit oh putain ça va me gaver. Ouais. En fait tu te rends compte que plus tu prends. Alors moi j'ai pris une voix du mec entre guillemets sympa. Ouais mais ta réputation baisse plus. Hein. En fait, au bout d'un moment, tu deviens tellement sympa. Enfin relativement rapidement au final, tu deviens tellement sympa que justement on considère que quand tu n'aides pas quelqu'un, c'est pas une action mauvaise. Ouais. D'accord. Alors peut-être que le jeu l'introduit assez mal parce que moi j'ai pas joué assez pour voir ça. J'ai buté là-dessus et j'ai buté aussi sur le fait que c'est immense. Oui. Pas forcément. Ouais. Il y a pas grand-chose en même temps. C'est le Far West, c'est le principe. Oui. Et le jeu te jette d'entrée de jeu à la tête. En gros, fais ce que tu veux. Ouais. Et ça, moi, c'est vrai que le souci, c'est que j'ai tendance à tellement m'éparpiller dans les quêtes secondaires. Que j'adhère vraiment au gameplay, c'est cool et je continue, soit j'arrête le jeu sans être jamais revenu sur la trame principale parce que je me suis lassé avant et après c'est ma façon de jouer qui est pas bonne. En termes de quêtes annexes, on peut pas dire que il y en ait énormément par rapport à d'autres jeux. Ça reste quand même correct parce qu'il y a quand même des choses à faire. Mais le monde ouvert est très très grand et c'est vrai que c'est très contemplatif. Il y a plein de moments où tu vas juste te balader en cheval parce que c'est bon. C'est vrai. C'est un des parties pris du jeu. Je comprends ce que tu veux dire hein, dans les reproches que tu fais, mais moi je pense pas que ça justifie de pas aimer un jeu pour ça. Ça dépend comment t'appréhendes le jeu en fait. Je suis vraiment pas objectif sur le truc parce que quand je dis que j'aime vraiment les westerns, c'est que j'adore vraiment ça. Hein. Les Sergio Leone en collection et tout, c'est vraiment ce que je kiffe. Quoi. Donc du coup, mais tu sais, rien que l'idée de prendre son cheval, d'arriver dans une ville, l'attacher au saloon, de marcher sur les planches pour rentrer et tout. Oh, putain, mais j'ai tellement kiffé tout ça. Oui, mais parce que tu aimes le western, t'es comme moi aussi. L'univers nous parle. Ah oui, oui. Quelqu'un qui est l'univers ne lui parle pas particulièrement avec 2-3 petits trucs dans le gameplay qui dérange, c'est normal qu'il accroche moins. Ah ouais, non. Et puis ce système justement de réputation, au début, moi aussi, m'a fait très très peur. Hein. Oui, on est tous passés par là, mais moi aussi. Oui, hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, comme dit moi, quand tu joues, assez rapidement, quand tu commences à jouer, selon la voie que tu vas choisir, ça va se tasser. Parce qu'au bout d'un moment, on te fout la paix. Et puis je suppose que si tu joues un gros salopard, que les gens considèrent que tu sois un gros salopard parce que t'as pas aidé un personnage. Un peu plus, un peu moins, tu t'en fous. Bizarrement, non, j'essaie de jouer quelqu'un de gentil. Je sais, ça a l'air surprenant comme ça, mais... Ouais, c'est étonnant. Oui, non, mais moi aussi, j'ai joué quelqu'un de gentil. Après... Ça reste pour moi un bon jeu. Ah, un jeu exceptionnel. dans mon sens. Au-delà de ça, Rockstar va sortir aussi une extension dont on va parler, Undead Nightmare. Oui, Undead. Qui m'a beaucoup fait rire. Un gros délire. Non, mais. Est-ce qu'on va parler des choses qui fâchent avec ce DLC ou pas? Bah oui, effectivement. C'est surtout moi, je crois, qui va en parler. Parce que déjà, on peut parler du DLC en lui-même, où c'est. Mais c'est la suite en plus, c'est ça qui est ouf, c'est la suite du jeu. Et les morts se relèvent, voilà. Pour faire court, vous voyez Romero, vous voyez le western, vous mixez les deux. C'est du Romero. Dans. Complètement ouf. Ben. Et puis tu as des chevaux, du coup tu as les 4 chevaux. Les chevaux sont magnifiques. Ah, j'ai vu les chevaux. Moi je n'ai pas joué à l'extension. Les chevaux sont magnifiques. Parce que je trouvais ça trop. Justement trop hors propos, quoi. Ça me dit. Ouais, mais en fait quand ils jouent, ils ont réussi à le mettre dans l'univers. C'est la base de Malédiction Maya et tout. Donc ça reste crédible en fait par rapport à l'univers du jeu. Tu sais, ça va finalement. Mais bon, je comprends. Mais il y a un problème avec cette extension. Oui, mais moi que j'ai pas eu, moi. C'est ça qui est paradoxal. Moi, j'ai eu aucun des trucs que toi t'as eu. C'est que ils ont sorti un patch qui patchait notamment en fait le multi de Red Dead Redemption, hein, qui patchait plein de trucs et qui a complètement démoli l'extension, qui fait que on pouvait par exemple plus sauvegarder, que il y a un système où on doit sauver des villes en fait de hordes de zombies qui arrivent. Et ben en fait les zombies n'apparaissaient jamais et du coup tu étais bloqué dans la progression. Il y avait le framerate qui chutait, mais au bout d'un moment tu comprenais pas ce qui se passait, des problèmes et monstrueux qu'ils n'ont jamais corrigé. Ça c'est sale, bah. Alors qu'ils ont été avertis, hein. Et surtout ils le savent depuis que le patch a été introduit, et surtout ils le vendent sur Xbox One le jeu, sur le marketplace. Du coup c'est la version téléchargeable, c'est donc la version avec le patch, et donc ils te vendent un jeu auquel tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas y jouer sur Xbox One X, ce n'est pas possible. Ah, c'est abusé. Hein. Juste pour info, Sony a fait la même chose avec la version de Grandia qui est disponible sur le Play Store. La version est toujours vendue, il y a un bug bloquant qui t'empêche de jouer. Et ça, moi, je trouve ça mais scandaleux. C'est un putain de scandale. Oui, mais après, comme on a dit, c'est Rockstar. Et du coup, bah, pour y jouer, moi, j'ai dû le réinstaller parce que j'avais le jeu en version boîte. Donc, j'ai dû le réinstaller sur la 360, bloquer la mise à jour auto, j'ai pu jouer à la version. Et c'est pour ça que moi j'ai pas eu le problème, parce que moi j'ai une version boîte aussi, mais comme ma box n'était pas connectée au net, jamais rien téléchargé. Ouais, mais la différence, c'est quand même un service Xbox, et là du coup tu peux les alerter de la merde, les gens ils doivent le dire. Ils foutent complètement. Ouais, non, mais après c'est pas leur problème, c'est Rockstar qui doit gérer. Et moi ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'est pas fait plus de bruit que ça. Surtout que le jeu a reçu un patch spécifique pour la One X et personne s'est dit tiens, je vais tester l'extension. Enfin, si, c'est compréhensible. C'est Rockstar. Rockstar toujours à passer à travers les coups. Ils ont une sorte, comme dans Koh-Lanta, tu sais, le totem d'immunité. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait d'autres trucs dégueulasses. Ils ont un totem d'immunité. Vous avez entendu parler. Qui est parfait chez eux, quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi, les frères Hauser peuvent faire toutes les sorties immondes, les gens achèteront les jeux et tout le monde aura oublié. Ça a toujours été comme ça, donc c'est pas les seuls à bénéficier de ce statut à l'heure actuelle, hein. C'est des projets au hasard, c'est la même chose, hein. Oui, pareil, oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, parce que aussi dans les déclarations ça a été assez assez limite, mais bon. Donc après, non, c'est pas tout un Rockstar, ils ont toujours fonctionné comme ça. Ils font des grands jeux, mais il y a certains anicroches, certains trucs qui sont pas très cool. Et on ne fait absolument pas écho à ce qui s'est passé ces derniers temps. Absolument pas. Est-ce qu'il y a d'autres jeux Sur le coup, je pensais qu'on allait conclure là, parce qu'après on va arriver sur la current génération, et c'est plus tellement... Notre ressort, oui. Voilà. Et puis on n'a pas besoin de le faire, je pense que suffisamment de gens vont. Oui, moi je pense que GTA 5, tout le monde connaît. GTA le plus vendu tous les temps. Je crois que c'est peut-être même jeu. C'est le jeu qui se vend encore le plus actuellement. Ouais. C'est le jeu le plus vendu de la GN. Ouais. Mais même encore actuellement en termes de volume, il est. Il continue à se vendre. Au-delà de ça, vous connaissez. Hein. Le jeu qui a permis tout simplement à Rockstar d'avoir 5 ans pour faire son Red Dead Redemption 2. Oui. Tout simplement, hein, je veux dire, là, au bout d'un moment, quand ils ont dit bah, on a le temps, bah oui, on a le temps, on continue à vendre, à gagner. Ils ont réussi à faire en sorte même que le jeu solo s'efface derrière ces dernières années le jeu online. Oui, et le RP surtout, les serveurs RP de GTA V. Ouais. C'est une expérience. Je vous conseille d'aller regarder certaines chaînes Twitch qui font du RP. C'est particulier. Mais ça marche du feu RP, roleplay, pour ceux qui savent. Oui, roleplay, c'est-à-dire que vous jouez un personnage dans le monde de GTA. Voilà, voilà, les gens vont vraiment faire en sorte que, par exemple, je sais pas, il y en a, il veut jouer. Il va voir un banquier, il va parler en... du jeu de rôle. En bas... C'est encore gens qui commencent déjà à y penser, mais il faudrait déjà qu'ils sortent sur PC pour ça. Bah ouais. C'est peut-être envisageable aussi sur console, je sais pas. Non, parce que c'est modifié. Ouais. Ça reste du PC, donc si tu veux faire du serveur RP, il faut faire des serveurs dédiés, particuliers, c'est vraiment un truc bien à part. Sur console, je pense pas que ça soit possible. Et puis je suis sûr que c'est pas possible. Moi, bon, mais sur le coup, Buzzdick, t'avais l'air d'avoir envie de parler, là. Non. Donc, non. Ah, non, non. Non, c'est pas moi, j'étais au cinéma, j'ai un alibi. Donc oui, je crois que je dois présenter un jeu. Ah bah oui, c'est... vas-y, parle-nous d'un jeu, voilà. Donc je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Aïe, aïe, aïe. Montmartre en ce temps-là. Blablabla. Affiché, c'est C'est ça, mais non. Je ne vais pas vous parler d'un SingStar spécial Charles Aznavour. Qui n'existe pas. Je ne vais pas non plus vous parler d'un jeu qui a été fait sur NES, qui a été adapté sur NES par Rare, dont les musiques ont été faites par David Wise. Je ne vous le conseillerais surtout pas. Et je vais vous parler de ce jeu-là, mais en version Master System. Si je vous dis Rondin de bois, à quoi vous pensez ? Oh putain de bordel de merde. Pardon. Oh non, non, non, non, non, non, non, non. Comment c'est ? Mais comment ça ? Oh. J'ai compris. Je oh là, je pense, moi j'ai plus rien. Alors, je vois pas. Je pense que c'est pas les vieux tueurs. Je suis étonné. Moi je me tais, je dis plus rien. Voilà. Je m'en doutais de toute façon qu'il allait arriver un jour ce jeu. Oh là là, vas-y. Donc moi, en vrai, c'était juste, j'ai fait ça juste pour troller, mais je sais pas de quoi tu parles. Le plus grand concurrent de California Games, allez, vas-y. Eh oui, World Games. Exactement, je vais vous parler de Ah l'argent. Putain, c'était ça, monsieur. Ah bah oui, bah oui, mais moi j'avais compris direct, hein, donc t'inquiète je retire, pas. Finalement, je retire pas ce que j'ai dit. Ah bon, je connais mon boss Dick. Non, mais puis quoi. Ah bah ouais. Il connaît le jeu aussi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc, World Games, ça fait partie de la série des Games. Sans déconner. Par Epix. Qui est fait par Epix, mais dont le, on va dire, le plus grand représentant est California Games. C'est un jeu qui a été développé sur beaucoup de supports. CPC, Spectrum, Apple 2GS. Et qui a une suite. Oui, non mais non. Déjà, le premier, ça m'a suffi. Et la version NES, effectivement, elle a été développée par Rare. Et les musiques sont de David Wise. Et bah, c'est par contre, tout ça. Oui, Rare. Mais n'espérez pas avoir de vraies musiques. N'espérez pas avoir un bon jeu, parce que le jeu, c'est une version inférieure de la Master. Mais vraiment, c'est pas un très très bon jeu sur la NES. Les musiques, elles sont... Voilà. Allez, écoutez. Mais... Et... Attends, tu es en train de dire que David Wise a fait un jeu avec des musiques pas bien ? Putain, bah, oui. Ouais. Non, bah, oui. Fake news, tu mens. Je te suggère d'aller écouter ça, parce que même moi, quand j'ai réécouté pour... Non, mais je n'écouterai pas, ça n'existe pas. Donc, ça m'a fait mal. Ça n'existe pas, je n'écoute pas. Donc, California Games... Le but du jeu, c'était de faire des mini-jeux selon certaines disciplines. Donc le skate, le footbag, ce genre de choses. World Games, comment dire ça ? Ils se sont dit, on va prendre certains pays du monde et on va faire en sorte de faire des épreuves selon le pays. Avec pas de clichés, du coup. C'est ça. Pas du tout, hein, pas du tout. D'accord. C'est... C'est-à-dire que le, je crois, le truc avec les rondins, c'est au Canada, c'est les bûcherons canadiens. C'est pas ça. Oui, non, mais c'est. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la version Vincent System est plus pauvre par rapport aux autres versions. 4 épreuves par rapport à 8 ou 9, il me semble. C'est ah, ok, je savais pas. Il y en a 8 sur les autres versions. La version Vincent System, il n'y en a que 4. Oui. Elle est fiche. Donc, okay. Donc pour la version Vincent System. Mais c'est pas grave, c'est les meilleurs. Ouf. C'est relatif aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tout est relatif. Donc le but du jeu, c'est faire le meilleur score possible. Il n'y a pas de championnat, on va te dire de jouer, soit de jouer une épreuve par une épreuve, soit de faire toutes les épreuves, et à la fin, tu as ton petit score, ce que tu as fait. Donc c'est un jeu basique. Que... Comment vous... C'est nul, voilà, c'est pas bien. C'est injouable. Ben, le problème de ce jeu, c'est qu'au lieu de faire des manips normales pour réussir à faire ce que tu veux, c'est juste des inputs. Le truc, c'est que si tu veux jouer au jeu, il faut apprendre par cœur les inputs à mettre, sinon jamais tu finis un moindre mini-jeu. C'est parti des trucs où tu as intérêt à avoir la notice, garçon. Sinon, j'avais pas la notice. Dans la merde. Bah, moi non plus, je l'ai pas. Donc, et en plus, c'est un de mes potes... pote de l'époque qui m'avait amené le jeu et m'avait dit tiens vas-y joue, c'est une tuerie. C'est pas un pote du coup, enfin c'est plus un pote. Non, mais j'ai appris par la suite à ne plus faire confiance à des gens qui s'appelaient Romain. Ah ouais, carrément non, comme ça. Oui, totalement. Okay. Dis coucou à Romain. Ah ouais, okay. Donc ce jeu, la oui, romanophobie quoi. Oui, non, ça doit mais... exister en plus ça, je vais pas quand, arrêter quand, les blagues là-dessus quand... Tu sais, quand t'as 10 ans, quand t'as 10 ans il est tard, mais quand même. Quand t'as 10 ans, que tu viens de jouer à Golden Axe Warrior, et qu'on t'emmène ça et qu'on te dit vas-y, c'est trop bien, et que tu tombes sur un jeu où il faut faire. Faut tenir sur un taureau, lancer des boulons de bois, rouler sur des rondins dans de l'eau, et sauter par-dessus des tonneaux, et qu'on te dit vas-y, c'est trop bien, et que le seul moyen de savoir jouer, ben, c'est de faire des trucs au pif, parce qu'il n'y a pas de ton, et qu'il faut juste faire des inputs haut, bas, gauche, droite, et que c'est toujours la même chose. Tu te retrouves devant un jeu qui est minable. Mais ce qui est rigolo dans tout ça, c'est que ce jeu, il a été super bien noté à l'époque. Ah bon? Mais oui. C'était quoi? C'est le type de jeu où il fallait marteler les boutons? Non, même pas. C'est vraiment... Même pas, non. C'est vraiment, il faut que tu fasses haut, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, haut, bas. Et sur certains jeux, surtout le rodéo, c'est des inputs à des moments donnés et dans un ordre prédéfini. Ouais. C'est toujours ouais, la ouais. même chose. Ouais. Mais comme tu sais pas... Tu veux dire... que une fois que tu connais, ce sera toujours... Toujours la même chose, parce que j'ai testé, ouais. À l'époque, ça m'avait marqué, et en fait, le rodéo, c'était toujours la même chose. Toujours la même input. Ah ouais, c'est un peu chaud, ça, pour moi. Ben, c'est complètement stupide, mais le jeu, à l'époque, avait eu relativement bonne presse. Peut-être et que j'ai... la version Master System a ce défaut-là, mais pas les autres. Toutes les autres. Non, toutes. Toutes. Ah ouais, le jeu, il est vraiment fait de la même manière. Bizarre. Pour vous dire que même moi, à l'époque, j'étais môme, j'avais trouvé ça dégueulasse, quoi. Et quand on me disait le jeu, il est trop bien. Et on parle d'un mec qui aime bien Legend of Forestia, hein, je vous rappelle. Hein. Je l'aime bien pour me moquer. Non, ouais. Ah, voilà, oui. Je crois que tu l'apprécies pour de vrai en plus. C'est de la merde. Oui. Ah, merci. Je voulais l'entendre dire, je suis rassuré. Non, mais ne l'achetez pas, jamais. Non, tout ça pour vous dire que j'aime la Master System d'amour. C'est ma première console. Oui. Mais World Games. Et alors, jamais. Même pas en émulation. Je connaissais pas le jeu. Moi, je connaissais, j'avais joué genre 2 minutes à l'époque. Et j'avais trouvé ça comme un sous California Games, en fait. Voilà. J'aime pas particulièrement California Games. Hein. Pareil. En termes terme de gameplay, en termes d'amusement, ouais. Tu vas t'amuser 100 fois plus oui, voilà. Il y a des avec California trucs. Games que World Games. World Games, c'est vraiment un truc paresseux. Mais Beyond, là, qui est expert. Oui. Ben alors, pour aller plus loin, alors World Games, évidemment, c'est pas bien. Mais donc, comme je l'ai dit avant, California Games était à la rigueur amusant. California Games 2 est une catastrophe, réellement. C'est une catastrophe, ce jeu. Et pour aller un peu plus loin, World Games aura donc des suites, entre guillemets, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là chez Epix. Ils vont sortir également Summer Games et Winter Games. Ah oui, ça fait partie de la série des games. Hein, c'est... Ah, Winter Games, mais oui, sur Mega Drive, ça. Oui, oui. Oui, d'accord, je connais. D'accord. Mais bon, quand t'as été rodé avec le World Games, je garantis que tu joues plus jamais à aucun des games. Ah oui. Winter Games est sorti sur Mega Drive, Summer Games est sorti aussi sur Master System, et bon, bah... C'est pas ça, quoi. Non. D'accord. Non, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment un jeu, ça aurait pu être une espèce de party game, ça aurait pu être amusant, mais c'est vraiment le genre de jeu que quand tu sens que les détracteurs de la Master System qui te disent que la NES c'est bien, t'as toujours peur qu'ils aient ce jeu sur le coude en disant « Et World Games, tu te souviens ?» Ouais, en même temps la version Master System de World Games, elle est supérieure à tous les points à la version Master. Parce que si tu prends le jeu tel quel, graphiquement, pour Master System, c'est un jeu qui date de 88-89, oui. Il tient la route. Il tient véritablement la route. Les couleurs sont pas dégueulasses, les sprites sont quand même super. Sacrément mignon, les musiques, bah, ça reste des musiques d'époque, mais bon, la boucle quand tu sélectionnes ton équipe, elle est horrible. Mais en tant que telle, ça reste une musique, voilà, c'est pas dégueulasse. La version NES, par contre, oui, elle est rare et je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont dit, allez, on fait le portage, d'accord. Et ils sont libres en café. Parce que là, honnêtement. David Wise était bourré. Je vois les graphismes, c'est vraiment pas vilain. Hein. C'est vrai. Non! Bah, si tu te laisses prendre par le jeu, ah ouais, c'est cool. T'as la manette dans la main, tu dis plus c'est cool. Plus jamais. Et même la jaquette. La jaquette de son système n'est pas vide. Ouais. Putain, ça coupe. Non, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, World Games est un jeu de merde. J'étais ravi de vous le présenter. Jetez-vous dessus si vous le trouvez. Ah non, on va fuir ça. Bah, si, quand même, faut partir sur une note positive. C'est un jeu. C'est un jeu. Il existe. Voilà, c'est une note positive. Et Si tu veux en dire du bien, tu peux dire qu'il existe. Voilà, c'est tout. Voilà, bah, il existe. Bon, j'espère que vous êtes bien restés jusqu'à la fin. On avait raison de se méfier. On le savait qu'on ne devait pas lui donner la parole. Mais bon, on l'a fait. Vous voulez du jeu rétro? Je vous fais découvrir du jeu rétro. Effectivement. De toute façon, c'est toujours comme ça, à chaque fois on lui fait confiance et puis après. Bon, voilà. Et vous plaignez pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jeu. C'est vrai que t'as fait les Legend of Phyrexia, donc t'as fait cette merde là. Ouais. Quoi d'autre? Non, non, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait un ou deux autres. Oui, oui. J'en ai un fait... ou deux autres, ouais, ouais. Oui, après. Tu sais, je suis vieux, ma mémoire. Mais c'était pas un jeu pourri, hein, t'avais fait. Non, non, non, j'avais fait, oui, un... Oui, oui. J'avais fait un bon jeu pour une fois. Ouais. C'est pour ça, une fois de temps en temps, en fait, il glisse un bon jeu dans c'est le. C'est ça. En non, mais il faut pas que je faillisse à ma réputation. Hein. Vous êtes habitué à ce que je vous fournisse des jeux de merde tout le temps. Ah oui. Bon, mais sur ouais. Le coup, voilà, c'est déjà 23h15. Donc, on va vous laisser aller dormir. Pour être en forme pour jouer à Red Dead. Hein. Ouais. pour aller bosser demain, c'est mon avis. Je peux juste faire une petite news parce que, petite belle, oui. PM. Mais... il faut faire partager au monde entier. Donc sur Steam, Metro 2033 version originale est gratuit, oui. Pour 24 heures. Voilà. Voilà. Oui. Ah, c'est pour ça que tu m'as envoyé le message. C'était pour que j'en parle. Je me disais, mais d'où je vais même gratuit, mais j'en veux pas. Mais ah, d'accord. Ok. Ouch. Et... moi, je suis vieux, je suis lent. Voilà. Et comme c'est ça, FPS que j'avais toujours voulu faire. Donc voilà. Juste ça. Parce que moi, j'ai pas Steam non plus, hein, mais je voulais le mettre. Ah, et je vois le message d'Icoban. Oui, un jour, je présenterai Police Noire. Ah oui, un jour. Oui, peut-être. Lointain. Un jour. Police Noire. Un jour. Oui, mais après, oui, j'aime Police Noire, effectivement. Mais un jour. Bien sûr, ces bonnes paroles, nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Merci à ceux qui nous écoutent en direct. Merci à ceux qui chat. Nous écouteront plus tard. Merci YouTube. Et voilà. Merci. Et puis à très bientôt. Des bisous tout le monde. Et des bisous. À bientôt. That's et right. Achetez World Games, jouez-y. Merci. Ah ouais, ouais. Et puis précommandez de la Sega SG. Ouais. Avec, bien sûr, le Mega Everdrive qui vous permettra de jouer à tous les jeux. Voilà. Ah bah oui, bah oui. Il, ah fallait, oui. Il fallait bien. J'avais oublié d'en parler, vite. Allez, des bisous. Des bisous tout le monde. Au revoir.